Mais c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative. Saison numéro 6, épisode numéro 1. C'est une nouvelle saison qui commence, donc j'en profite pour souhaiter à tous nos auditeurs une excellente année 2021, même si nous savons tous par avance qu'elle sera aussi merdique que l'année 2020, si ce n'est plus. Mais bon, hein, on va quand même respecter les usages. Alors je procède au rappel traditionnel de notre émission, vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com, je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, commenter les articles qui sont publiés sur le site, sur le forum Europe Écologie Les Brins, eelb.su, eelb.su. Et vous trouverez aussi là des personnes avec qui discuter de choses et d'autres, et même d'ouvrir des discussions sur tel ou tel topic, telle ou telle thématique. Je vous invite aussi à rejoindre le réseau social Gab, gab.com, qui est le seul réseau social qui ne censure pas les contenus, ce qui est quand même relativement appréciable aujourd'hui, puisque comme vous le savez, tous les autres réseaux sociaux aujourd'hui sont placés sous la surveillance intégrale de l'État français et de sa police politique. Hein, et avec les joyeusetés qu'accompagnent une telle pratique, hein, c'est-à-dire arrestation, interpellation, garde à vue, de procès, vous représentez le tableau. Alors avant de remercier nos donateurs qui grâce auxquels on peut continuer cette aventure, je vais quand même présenter les membres qui participent cette semaine. Et en profiter pour leur souhaiter collectivement une excellente année 2021, hein, au plan financier, au plan des amours, au plan de la santé aussi, et puis tout ce qui nous concerne, hein, tout simplement. Alors on va commencer avec Pierrot. Salut Pierrot, je te souhaite une excellente année 2021, j'espère que tu vas bien. Bonjour Gandalf, bonjour à tous, bonne année à tous, et aussi bonne année à Bergoglio Diouf du forum Europe Écologie Les Brins. Je souhaite un petit coucou parce que j'arrête pas de lire ses posts et il me fait mourir de rire, faut qu'il le sache. Ah bah c'est un hommage qui ne pourra pas manquer de le toucher à mon avis. Est avec nous aussi pour cette sixième saison Fulbert. Excellente année 2021 à toi, cher Fulbert. J'espère que il t'arrivera que des bonnes choses cette année. Ah et bien bonne année à toi aussi Gandalf, bonne année à tous et espérons qu'elle sera bonne pour tous cette année. Espérons. Est avec nous aussi cette semaine Diabolix. Bonne année à toi, cher Diabolix. Merci Gandalf. Bonne année à tout le monde. Et puis bon, bah écoutez, préparez-vous. Ayez votre petit sac à dos spécial garde à vue. Sait-on jamais, vu le délire français, belge, allemand et ouest-européen qui vise à empêcher les gens de pouvoir simplement dire ce qu'il pense. Oui. Ou faire la fête aussi. Hein. C'est rentré dans la nouvelle catégorie des interdictions. Nous fait le plaisir aussi d'être avec nous Poporovic. Excellente année à toi, Poporovic. Bonjour à tous. Excellente année. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'épiphanie. On fête les rois. Donc, vive le roi et à mort la gueuse, la sale gueuse. Mort la gueuse. Aussi cette semaine avec nous, Alex. Salut Alex, comment vas-tu? Bonne année à toi aussi, merci Gandalf, et bonne année à tout le monde, que ce soit l'année du renouveau. Enfin, nous avons un nouveau venu dans l'émission, c'est Merlin qui rejoint l'équipe. J'espère que sa participation sera bien accueillie, j'espère qu'il va faire ses marques hein, progressivement. On va voir ça tout de suite. Salut Merlin, bonne année à toi. Salut, bonne année, salut à toute l'équipe, salut aux auditeurs, je suis heureux de pouvoir participer à cette grande émission qui œuvre pour la salubrité publique, hein, surtout lorsque l'on voit les tordages de douleur qu'elle suscite au sein du gang des pyjamas de Cracovie. Je m'en réjouis, bonne année. Pyjamas de Cracovie, je pense que les intéressés se reconnaîtront, hein. Une pensée inamicale d'ailleurs, à Mendès, hein. On pense pas à toi. Alors, messieurs, je vais remercier les donateurs, grâce auxquels on peut continuer. Don numéro 1, c'est de Melos Autocrator. Alors, on a des donateurs réguliers, hein, on a des mécènes, c'est ça leur nom, hein, donc, que nos auditeurs connaissent, puisqu'on les cite souvent. Alors, il nous a envoyé 0,22 Monero. Merci à toi, cher Melas. Joyeux Noël à toute l'équipe, aux auditeurs, nous dit-il, très simplement. Don numéro 2. Alors ça a été confirmé, hein. Alors là j'ai pas le nom, désolé, j'ai pas le nom, pas de pseudo. Je viens de vous faire un don de 0,21, c'est très précis, Monero, c'était pour savoir si elle l'a bien reçu. Alors oui, j'avais confirmé avec la personne, donc elle se reconnaîtra quand même. Don numéro 3, bonjour mes chers petits démocrates, Papy Pruneau vous a envoyé vos étrennes pour la nouvelle année, 0,19 Monero. Merci de confirmer à l'antenne la bonne réception de ce premier don, car la Mirabelle de Nancy, un fruit rustique au délicieux goût de miel, pourquoi pas, gros poutou, et c'est Papy Pruneau. Merci à toi Papy Pruneau, donc je confirme bien hein, la réception du don. Don numéro 4, bonjour, voici un petit don d'environ 50€ pour soutenir votre travail, salutations et bonne année, c'est Ed, merci à toi Ed, on pense à toi. On t'a répondu au message d'ailleurs. Don numéro 5, bonjour à toute l'équipe, je viens de vous envoyer l'équivalent de 40€ au titre du mois de janvier. J'en profite pour souhaiter de bonnes fêtes à vous tous et à tous les démocrates. Un énorme merci pour votre travail effectué tout au long de cette année, bien amicalement, et c'est Jean. Donc Jean aussi est un mécène, c'est quelqu'un qui nous soutient depuis un bon moment maintenant, toujours par Monero bien sûr. Merci à lui et excellente année bien sûr à toi Jean et à Melas Autocrator et à tous nos donateurs. Don numéro 6, salut à Gandalf et à toute l'équipe de démocratie participative, je vous envoie ce rapide email pour avoir confirmation que mon premier don d'une valeur d'à peu près 50€ est bien arrivé à destination, le don ayant été effectué le dimanche 3 décembre selon voilà, la plateforme qu'il utilise. Alors, donc le statut semble être confirmé, etc. Voilà, merci de confirmer. Alors, il y aura un retour, bien sûr, puisqu'il nous en demande un, ça n'est pas un problème. Merci et bon courage à vous, les gars. Merci à toi, Nimlot le Blanc. C'est Nimlot qui nous soutient. Enfin, dernier don, en tout cas que nous avons, dont nous avons reçu une notification. Bonjour Gandalf, bonjour à toute l'équipe. Voici mon premier don de l'an 1 après Covid, environ 0,5 Monero. Je suis sûr que vous en ferez bon usage. Pouvez-vous me confirmer bonne réception de ce don? Oui, ça sera fait. Et c'est signé Alain Sarouel. Alain Sarouel, cordialement. Ah. Un Français majeur et pas vacciné au Pfizer. Il a raison. Merci Alain, excellente année à toi. Et je tenais à remercier bien évidemment tous les donateurs qui ne se manifestent pas, par discrétion tout simplement, mais qui sont là et qui nous soutiennent, qui permettent tout ce qu'on fait de continuer, hein, puisqu'on attire toujours autant l'attention des autorités hein, qui n'apprécient pas tellement ce qu'on fait. Je ne comprends pas pourquoi. Comment se fait-il? Alors... Je vous propose de commencer l'émission en tant que telle maintenant, hein. On va pouvoir commencer cette saison numéro 6, épisode 1 de l'an 1 de l'ère du Covid, hein. C'est une ère un peu spéciale. Alors, ça commence avec un témoignage en fait, qu'on a reçu avant la fin de l'année, donc je peux maintenant le lire. Alors ça c'est les transports en commun, je trouve ça charmant comme témoignage, bon, je me suis dit que je vais le lire quand même à l'antenne. Bonjour à toi Gandalf, ainsi qu'à toute l'équipe. Auditeur assidu de votre émission et fervent lecteur, je me permets de vous envoyer cette petite tranche de vie qui, je l'espère, vous fera sourire pour changer un peu du rhume 19. Carnet de bord, TGV, Marseille, Toulouse. SNCF, cet acronyme peut générer selon les individus une flopée de pensées ou de sentiments différents. Certains ressentiront le dégoût marqué par une succession d'expériences plus ou moins exécrables, retard, grève. D'autres seront envahis par une bouffée de liberté, leur rappelant avec nostalgie les TER en partance pour la mer tous les étés, à moindre coût. Leur mémoire olfactive oscillant entre l'iode côtière, les churros, je sais pas si on dit churros, en bord de plage, et la transpiration nauséabonde des cohortes de nègres entassées dans ses rames. Un voyage avec la SNCF est souvent l'occasion de faire un tour d'horizon de ce qui compose le pays. Partant de Marseille, je me rends compte de ma chance. Bien installé dans mon fauteuil, une rotation de tête à 45 degrés suffit à analyser mes proches voisins. D'ailleurs, malgré le port du masque, mon nez ne m'a pas trahi, ni même mes oreilles. Entre une odeur de poulet, que je suspecte provenir d'un élevage clandestin des égouts de Marseille, une autre effluvrance indiquant une peau étant peu en contact avec un savon, et les miasmes s'échappant d'une grosse bouche de porteur de babouche, voici donc mon environnement proche. Le mangeur de poulet d'égout se trouve être un nègre. Il pue. Il se prend en selfie 30 fois. Il parle très fort au téléphone avec une femelle de son espèce qui parle elle aussi très fort. Il est affalé. Je pense que ce doit être un ingénieur rejoignant le centre spatial de Toulouse. Le porteur de babouche, pour sa part, est situé juste devant notre interlocuteur. Il parle très fort, lui aussi, dans son téléphone. Accent classique du sale bougnoule qui veut se faire remarquer en public. C'est plus fort qu'eux, il parle d'argent, qu'il a acheté un terrain de milliers de mètres carrés pour rien du tout. Il est fier comme un bougnoule et tient à nous le faire partager. Halte en gare de Montpellier. Le train est à l'arrêt pour une bonne dizaine de minutes afin de procéder à une quelconque vérification de routine. Durant ce laps de temps, je reste plongé dans ma lecture. Soudain, une forme, un blob, se tient à ma droite, une feuille A4 tendue sous mes yeux, me tirant de ma saine lecture. Je m'instruisais sur EELB.su. Eh oui, une saine lecture. Je tourne mon regard vers la chose, typée clairement « Rome puant ». Que fait cette créature dans le train et que me veut-elle ? Me dis-je. Je prends connaissance de la feuille A4 qui m'est tendue. C'est une soi-disant association d'handicapés sourds-muets qui cherche à récolter des dons. Un revers de la main et un froncement de sourcils suffisent à l'envoyer vers mes deux acolytes. Le nègre puant ne réagit pas, il continue à faire des selfies. En revanche, notre chevalier des sables se met à hurler. « J'ai pas d'argent, moi, je suis pauvre aussi, il me faut me donner des sous à moi. » Ouais, je m'imagine totalement la discussion, là. Sur ces paroles, la mystérieuse Belphégor des Carpates disparaît aussi vite qu'elle est venue. Je tiens à remercier grandement la SNCF pour ça. De se remettre en question sur comment mieux nous casser les couilles, se renouveler de manière inattendue pour accepter les chiures humaines venir quémander sur les grandes lignes. J'arrête ici, l'oreille attentive aux annonces du contrôleur annonçant une heure de retard. J'espère que nos bêtes se tiendront et éviteront de faire leurs besoins dans le wagon. Alors en fait... Oh, c'est une petite tranche de vie hein, dans les TGV. Moi aussi, j'ai des souvenirs parmi les TGV, avec des Roms aussi d'ailleurs. C'est vrai qu'ils sont, les Roms fréquentent très souvent les TGV français. En première classe d'ailleurs, j'ai souvent observé ça. Alors, ça n'appelle pas de grands commentaires, hein, mais qu'est-ce que vous voulez me. Est-ce que vous voulez peut-être partager aussi des petites expériences que vous avez dans les transports communs comme ça, français ? Moi, j'ai une petite anecdote assez croustillante. J'étais parti pour visiter certaines villes autour de la frontière italienne. Je partais de la Côte d'Azur, donc je crois que c'était en TER que je partais du coup. Et sur le retour, en fait, il y avait des noirs en fait qui jaillissaient. Alors je sais pas trop ce que c'était. Il y a des espèces d'armoires électriques ou des locaux techniques. Le public n'a pas accès à l'intérieur des wagons. Et en fait, il y avait des noirs qui sortaient. Derrière ces portes en fait. Par les murs. Des mecs, voilà c'est ça en fait. Ils sortaient des murs des trains en fait. Le wagon de lui-même engendrait. Je vous promets que c'est vrai et c'est arrivé plusieurs fois. C'était au cours de la même année. Les noirs jaillissaient des murs du train en fait. Ils étaient planqués derrière des plaques, des portes qui sont ouvrables uniquement avec des clés. J'imagine que c'est des techniciens qui ont accès. Et ils sortent de là-dedans. Alors c'est en plein été. Hein. Il fait une chaleur à crever. Et les mecs sont en anorak, on voit des... Mais c'était juste à côté de moi, en plus, c'était, j'étais assis dans les sièges, il y avait l'allée centrale, et en face, c'était pas des sièges, c'était une armoire, enfin, il y a une paroi qui s'ouvre, il y avait des noirs dedans qui sortent, en perlant de sueur, avec des sacs, des espèces de bagages, tout en anorak, mais une odeur, mais dégueulasse, je vous promets. Mais c'était ahurissant, quoi. Des clandestins. Ah oui, non, des clandos 100%. Bah, du coup, on comprend comment ils passent la frontière italienne, c'est ce que je me suis dit. Hein. C'était autour de Monaco, Menton, par là. Et voilà, donc on voit des noirs juste devant nous, comme ça, qui jaillissaient et qui, auto-engendrés par le train, quoi. Les techniciens, en fait, qui sortent en plein labeur, tu vois. Enfin, on sait pas. Le train transpirait des nègres, en fait, tu vois. C'est un miracle, une ségrégation miraculeuse de l'éther nègre, tu vois. Exactement. Voilà. Ah non, d'accord, ouais, ils passent comme ça les frontières. Ouais. Des fois, il y a des trucs. Des fois, il y a des trucs plus rigolos, c'est quand ils montent sur les caténaires. Ça, c'est marrant, ça. Et ils n'ont pas compris où est le principe. Oui, de temps en temps, il y en a un qui se fait gauler. Ah, tout d'un coup, tu vois, t'as l'impression que c'est Michael Jackson. C'est... tu vois, il a un flash. Tu vois. Pas un, tu vois. Il y en a un récemment, il a canné comme ça, là. Dans le sud de la France, une espèce de créature d'un bled, un truc encore. Hein. Et il a une singerie quelconque, une singerie, une chimpanzerie extériorisée, je ne sais pas. Il a grimpé sur le toit du TG, bah ça. 100% des gagnants ont tenté leur chance, hein, je veux dire, là, il n'y a pas de problème, le mec, il a été récompensé, quoi. Darwin, voilà. Mais il y a aussi ce merveilleux humoriste français qui, en voulant tirer la veste d'un réunionnais, s'est fait broyer la main. De qui parles-tu là? Je ne vois pas bien de qui tu parles. Jamel Debbouze. D'un manchot. Comment ça s'appelle? Un magret. C'est pas le magret de canard, ouais, c'est le magret bain, c'est ça, oui. C'est assez particulier parce que le maghrébin se lave rarement, c'est pour ça qu'il pue. Mais oui, c'est un humoriste, enfin un humoriste français qui. Oui, voilà. Il s'est retiré là, il s'est calmé, il s'est retiré des planches, il est plus drôle. Le problème qu'il a, ce mec-là, alors c'est vrai, hein, l'histoire dont tu parles, c'est connu, hein, y a même les parents et tout qui ont essayé de. Les parents de la victime qui ont essayé de poursuivre et tout sans succès. Je crois que c'était pour une histoire de blouson volé, je crois. Enfin, il y avait un truc comme ça. Et ça s'est terminé avec un réunionnais sous le train, en fait. Hein. Mais du coup, à l'occasion, justement, de cette altercation, hein, il avait perdu sa main. Ça, c'est en tout cas... C'est une version très... qui revient très fréquemment, etc. Enfin, il y a de la matière. Et c'est pas un fantasme, hein. C'est non. Vrai. D'ailleurs, ce brave garçon ne se produit jamais à l'île de la Réunion. Ben ouais, donc, mais là, il s'est retiré là. Hein, parce que bon, je crois qu'il a quel âge là maintenant, lui, plus la cinquantaine. Donc bon, jouer le jeune de banlieue de 50 ans, ça devient difficile. Quoi. Ça commence à être compliqué. Quoi. Donc voilà. Mais oui, encore un miracle des transports en commun français, Jamel Debbouze, oui, c'est vrai. On en parle trop peu. Bon, bah, en tout cas, merci. Et une chose assez importante concernant la SNCF, j'aimerais quand même rappeler qu'en 2017, le directeur général des chemins de fer japonais de la division du Shinkansen, le train rapide, a été obligé de faire des excuses publiques à la télévision parce que ses trains avait une moyenne d'un retard de 6 secondes. Il faudra vérifier ça, quand même. Ça me paraît un peu excessif. Mais c'est une moyenne, donc il y a dû avoir des retards peut-être un peu plus spectaculaires. Genre 3 minutes, parce que sur le volume de transport, quoi. Peut-être qu'il y a eu des retards de 2-3 minutes. Oui, mais compare ça. Ah oui, non, mais on est d'accord. Oui, non, mais bien sûr, c'est un sketch roulant, la SNCF, hein, c'est le cas de le dire. On avait eu des témoignages, d'ailleurs, de contrôleurs, hein, qui nous avaient écrit, hein, qui nous avaient raconté des anecdotes très vivantes, je m'en rappelle encore. C'était très drôle. Quant à la gare du Nord, hein, la mythique gare du Nord, dit la gare du Noir, hein, pour ne pas la présenter, ils vont la refaire intégralement. C'est un projet colossal, ça va coûter une fortune, une véritable fortune. Hein. C'est absolument énorme, donc ça va être, j'en ai parlé plusieurs fois ici, hein, ils vont entamer les travaux. Ça va être une gare nette plus ultra moderne, hein, mais il y aura toujours autant de nègres dedans. Donc en fait, ça ne va pas tellement améliorer la qualité de l'expérience du passager, à mon avis. Bah, ça va être une gare top, hein, mais pendant 3 mois, quoi, peut-être, maximum. Puis après, ouais. Alors, sachant si vous vous ennuyez, vous pouvez aller faire un tour sur YouTube. Alors, c'est pas vraiment la SNCF, mais bon, c'est plutôt le métro japonais, genre bondi sur ce que disait Diabolix. Des vidéos de japonais qui prennent le métro, vous voyez, c'est fascinant. Moi, c'est des fois, je regarde le défilé militaire juste pour la beauté de la chose. Là, c'est un peu le même délire. Donc, vous savez, il y a une file de personnes pour ceux qui rentrent, une file de personnes pour ceux qui sortent. Tout ça est bien calibré. Personne se bouscule, il n'y a pas un mot, et puis dedans, c'est propre. Les gens se respectent et puis il n'y a pas un bruit, quoi. Il n'y a pas de nègre qui gueule. Mais bon, j'imagine que c'est une question d'argent, hein. C'est pas une question de génétique, hein, bien sûr. Moi, je pense que c'est une question sociale. Hein. La discrimination, ça a des conséquences. Hein. C'est tout à fait évident. Moi, je ne sais pas comment ils font les gens. En plus, tout ce délire là autour du Covid et du port du masque, etc., ils t'expliquent, bon, on va en parler dans la deuxième partie d'émission, mais... voilà, il faut pas trop, il faut pas plus de combien c'est quoi la limite pour le réveillon du Nouvel An? C'était quoi la limite du nombre de personnes acceptées? 6 personnes, c'est ouais, ça? Ouais, bon, 6 personnes, d'accord. Au-delà de 6, c'est un rassemblement illégal, la police peut arriver chez toi. Par contre, tous les matins, les rames du métro francilien, etc., bah, c'est bondé de la pire faune qui existe. Alors, pas trop tôt le matin, quand même. Mais c'est bondé de la pire faune, et là, tout va bien, c'est extraordinaire. Moi, je sais pas comment... Moi, j'admire les gens, dont nos auditeurs, hein, qui nous écoutent quand ils sont dans les transports en commun, parmi ces créatures-là, je ne pourrais pas, moi. Je pourrais pas, hein. Je vous assure que je pourrais pas. C'est vraiment insupportable. Ça m'est déjà arrivé aussi d'être dans les transports en commun, pas à Paris, mais de retrouver le seul blanc dans une rame, hein. C'est intolérable, hein. C'est intolérable. Moi, je suis en révolte contre ce projet républicain, n'est-ce pas? En tout cas, une expérience de la SNCF qui m'a totalement convaincu, hein. Je brûle d'envie de prendre le train à Marseille pour me rendre à Toulouse. Ça, c'est un projet que je veux quand même réaliser une fois dans ma vie. Bon, bah, merci à notre auditeur de m'avoir tenté, hein. Je crois que je vais céder aux caprices et je vais l'écouter, je vais tenter aussi, moi, avec des Algériens, des nègres, des Roms qui font de la mendicité agressive. Tout ça m'enchante totalement. Hein, vous aussi, peut-être? On pourra peut-être y aller ensemble, si ça vous dit. Le bruit et l'odeur, voilà. Alors, messieurs, on va laisser tranquille la SNCF, même si je pense que cette année, il y aura encore des grèves, donc on aura peut-être l'occasion d'en parler, pour notre rubrique numéro 2, autisme radical. Rubrique numéro 2, autisme radical. Alors ça, c'est une petite anecdote tout à fait sympathique qui nous est narrée par Ouest France. Hein. Alors, Adeline Hardy ne veut pas d'histoire. Et elle ne veut surtout pas devenir une victime collatérale de celle de Nantes et de son passé négrier. Lorsqu'elle a repris, il y a 15 ans, le restaurant Le Négrier, c'est-à-dire Grillade, hein, du nom Grillade, quoi, hein, Le Négrier, donc voilà, c'était depuis le début des années 60 une véritable institution sur le quai de la Fosse. La réputation de l'établissement, spécialisé dans les grillades au feu de bois, avait depuis longtemps dépassé le quartier du port. Et Adeline ne s'est jamais interrogée sur le nom de son affaire avant cet été. Un beau matin, j'ai trouvé une remarque sur le site TripAdvisor et j'ai découvert qu'il y avait une pétition sur le site change.org demandant le changement du nom ou, carrément, la fermeture du restaurant. Je regrette surtout qu'on n'ait pas pris directement contact avec moi pour m'alerter et voir ce que l'on pouvait faire. Donc elle était disposée à capituler, mais en mettant les formes. L'initiateur anonyme de la pétition dénonce alors sur change.org une provocation raciste qui doit disparaître, estimant irrespectueux et indécent que l'on puisse faire des jeux de mots au sujet d'un crime contre l'humanité, de surcroît dans une ville au passé si chargé. Crime contre l'humanité, pour le coup, ça ne s'applique pas, hein, vous l'aurez bien compris, puisque nous parlons de nègres. Alors, la jeune restauratrice est d'autant plus chamboulée et inquiète que cette pétition, qui n'a recueilli au final que quelques dizaines de signatures, a été lancé au moment où de nombreuses villes s'enflamment aux États-Unis après la mort de George Floyd. quadragénaire décédé lors de son interpellation violente par des policiers à Minneapolis dans le Minnesota. Alors on avait diffusé la vidéo, bon tout ça est débunké depuis, hein, il est mort d'une overdose. Donc j'ai eu peur que des gens ici avec la pétition fassent l'amalgame. Et à peine sorti du premier confinement, Adeline n'avait pas du tout envie de se retrouver son restaurant tagué, cassé, pire peut-être. Seulement, changer de nom n'est pas sans conséquences. Cela a un coût et cela peut avoir des conséquences commerciales. On a choisi la solution la plus simple. Assume Adeline. Résume Adeline. Le négrier a donc perdu son « et » pour devenir le négril. Une appellation qui fait plaisir à tout le monde. Je ne sais pas. Adeline et son équipe attendent désormais la levée du confinement et, pour garder le contact avec les clients et se changer les idées, continuent de proposer leur cuisine en vente à emporter les jeudis et vendredis. Voilà. Alors les négrils, c'est bon, c'est réglé ou c'est pas réglé? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez ça, là? Colère de l'éternel, une nouvelle fois. Qui veut réagir là-dessus? Avoir la folie des cons sur Internet, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ces gars-là, dès qu'il y a moyen d'asticoter quelque chose concernant l'esclavage, le racisme, les nègres, les bougnoules et les maghrébins, il faut bien se rendre compte qu'ils en mettent, ils en rajoutent, et c'est pas ça qui va s'arrêter. Ils vont peut-être lui foutre la paix pendant une semaine ou deux, le temps de recharger leur batterie, ils reviendront à la charge avec autre chose. En même temps, ils auraient bien tort de s'en prier, de s'en priver. Qu'est-ce qu'ils risquent, à part quoi, toucher des subventions? Bah, est-ce que ça rentre pas dans la catégorie du harcèlement, ça? Ça devrait. Tout à fait. Bah, ça devrait, je veux dire, ils nous cassent les burnes avec le harcèlement, ils en font, là, je sais pas, d'une législation après une autre, c'est-à-dire, là, on a un cas caractérisé, me semble-t-il. On s'en prend à un établissement privé, commercial, là, auquel on prête des idées ou des messages à caractère politique, machin, pour en fait essayer de lui nuire. Ce qui n'est pas du tout le cas, parce que c'est une institution établie depuis l'origine, etc. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Donc, à mon avis, vous avez compris que c'est une femme, hein, donc là, très vite intimidée, donc elle n'a pas cherché à faire difficulté. Mais la véritable chose à faire en pareil cas, c'est tout simplement de déposer plainte pour harcèlement. Voilà. Incitation au lâchage, quasiment presque. Bah oui, c'est en tout cas ça. Il faut dans pareil cas, il faut prendre contact avec un avocat, hein, c'est voilà, et déposer plainte. Voilà, il faut pas se laisser intimider comme ça par ce genre de choses, parce que là il dit ah oui, mais il fallait se mettre en contact avec moi pour voir si truc. Bah non, il suffit pas qu'il y ait un connard sur Internet qui te dise voilà, t'es une sale raciste pour soudain tu commences à dire bah je vais changer le nom de mon entreprise. Je vais m'excuser, je vais peut-être même aussi mettre une affiche dans mon établissement qui va rappeler, le drame de l'esclavage des Noirs, la traite négrière, pourquoi pas aussi des cours sur la traite négrière, etc. Enfin, on n'en sort plus, quoi. C'est du délire, mais ça montre qu'on est en train de tomber, c'est-à-dire que c'est un restaurant qui date des années 60. Donc c'est quelque chose qui a toujours été là, enfin depuis des décennies, mais sous l'effet de l'immigration de masse et sous l'effet de l'appel constant à la haine anti-blanche orchestré par les médias, parce que c'est ça, hein, l'affaire de George Floyd, la non-affaire de George Floyd, c'est ça. Parce qu'après, la vidéo de son interpellation a été diffusée en intégralité et on a vu qu'il n'y avait pas eu d'interpellation violente. On a su par la suite que l'homme était camé, qu'il était cardiaque, etc. On avait parlé en détail. Donc en fait, le type est simplement mort d'une overdose. Et il avait un lourd passé judiciaire. Notamment, il a braqué une femme enceinte. Entre autres choses, quoi. Donc, ils appellent constamment à la haine. Donc, au bout d'un moment, ça a des conséquences pratiques. Et le rôle des journalistes, vous avez vu le ton du journal Ouest France, en fait, qui donne raison à l'attaque. Parce qu'ils disent, oui, le lourd passé négrier de Nantes. Enfin, des trucs qui... C'est parce qu'il y a des siècles, je veux dire. Puis, quel rapport avec une échoppe? Quel rapport avec un restaurateur? C'est du délire. Donc on voit bien qu'il y a une petite musique qui est distillée par ces ordures de journalistes de gauche, c'est-à-dire 95% des journalistes, qui en fait poussent au crime en permanence. Et vous avez vu, la fin de l'article, c'est une espèce de tape dans le dos à cette dame, en disant, bah, voilà, c'est bien, t'as vu, hein, c'était pas si difficile finalement, tu vois, de faire une excuse publique et de changer de nom. Voilà, allez, c'est bon, maintenant tu peux revendre tes plats, là, vas-y, dégage. Et ça, c'est le rôle de ces journalistes. Et dans l'histoire, est-ce que seulement un seul noir s'est plaint en fait de quoi que ce soit? Moi, je pense pas en fait. En général, c'est toujours une salope de blanche qui va inciter, qui va s'approprier de la vertu, j'imagine, essayer d'exister à travers les noirs. Je sais pas. C'est souvent le cas. T'as souvent une blanche en fait qui aime beaucoup le chibre noir. Hein. Qui se met dans la tête de défendre les nègres, quoi. C'est un sacerdoce, hein, chez certaines de ces folles. Et effectivement, hein, ce n'est pas du tout impossible, même si les nègres aussi sont une race de géniards, parce que vous savez, on nous vend, parce que médiatiquement, quand vous faites le tour d'horizon du paysage médiatique, que ce soit dans les publicités, les films, on nous vend l'image du surhomme noir. Donc l'homme est le nègre est un surhomme. Hein. C'est un surhomme, il est physiquement, à tous les niveaux. Quoi, hein. Et puis quand vous les observez dans la réalité, les mecs s'effondrent pour un mot. Ça les casse en huit. Hein. Vous rappelez là, l'histoire de l'altercation avec l'arbitre, là, l'arbitre roumain, il y a quelques semaines. Hein. Donc le mec, il y avait un des nègres là, qui a soupçonné que le type et que l'arbitre roumain a utilisé le mot nègre ou négro, alors qu'il avait simplement dit négré, pour quitter le mot en roumain qu'on utilise pour dire noir. Et il s'est complètement écroulé. Et on a un témoignage comme ça aussi, parce qu'on a eu des témoignages très souvent, j'ai un témoignage comme ça, d'une personne qui m'a dit, c'est un peu rock'n'roll, mais il l'a quand même fait, il y avait un nègre qui lui cassait les burnes, jusqu'au moment où il en a eu marre, et il lui a mis « sale nègre » dans les dents. Et le nègre s'est écroulé. Il s'est écroulé, vraiment, il s'est complètement écroulé. Ça les brise intellectuellement, psychologiquement, intellectuellement, non, quand même pas. Oula, oula. Ouais, non, mais de leur rappeler, en fait, que ce sont juste des singes, ça les met à terre. Donc, en fait, il n'y a pas de fragilité blanche, il y a une fragilité noire. C'est dans leur ADN, quoi. Les nègres, ils font que gueuler, quoi. Ils gueulent. C'est même pas pourquoi ils gueulent. C'est même pas qu'ils gueulent, ils gênent, ils pleurent. Ouais, ils se plaignent, quoi. C'est un peu comme les bonnes femmes, d'ailleurs, mais bon, ça, c'est une analyse plus personnelle. Tu viens mettre le doigt dessus. C'est-à-dire qu'ils ont ça en commun avec les bonnes femmes d'être très instables émotionnellement. C'est un des inconvénients d'avoir un QI en moyenne, on va dire, de 70. Ouais, c'est ça. La capacité à se contrôler, à différer la frustration, etc. On l'a vu encore récemment, là, parce qu'il y a... Il y a deux soldats français qui sont morts de plus au Mali, là, au moment où on fait l'émission. Ça fait 3 plus 2, là, il y en a eu 5 qui sont tombés il n'y a pas longtemps. Mais si vous faites un peu la chronologie, mais en fait, le nègre, il gueule tout le temps, quoi. C'est-à-dire que les Occidentaux, ils pillent les ressources en Afrique. Hein. C'est la faute des Blancs, le nègre, il gueule. Et puis, ouais, mais nous, au Mali, on est en galère, c'est la faute des Blancs, le nègre, il gueule. Et puis une fois que t'envoies des soldats, mais c'est du néocolonialisme, et puis c'est de la faute des Blancs, et le nègre gueule, quoi. Dans tous les cas, le nègre gueule. Et puis ouin ouin, le franc CFA, et puis le jour où le système du franc CFA sera retiré, ils gueuleront encore. Voilà. Ils n'avaient pas essayé d'ailleurs avec leur monnaie, là. Ouais, ils l'ont modifié, mais... Bon, déjà, les nègres n'ont pas compris, en fait, qu'ils comprennent pas le principe du marché, en fait. Et d'ailleurs, les nègres ne comprennent pas vraiment le principe de la propriété, ou plus exactement, ils ont une perception très particulière du principe de la propriété, c'est-à-dire que tout leur appartient. Et aussi, les idées sont des choses. Le nègre ne distingue pas une idée d'un objet. Donc, donc, quand tu leur dis, bah oui, vous vendez des ressources sur le marché international, donc il y a des gens qui achètent, et le nègre, il ne comprend pas. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses à dire, hein, sur toutes ces idées reçues, là, de les ressources, c'est complètement bidon, hein, notamment sur l'uranium, etc. Oui, ils ont etc. beaucoup de mal avec la notion de valeur ajoutée, quoi. Ils comprennent pas que si ton iPhone, il vaut 1000 euros, le minerai que tu utilises pour le fabriquer peut pas valoir des milliards, quoi. Il faut nécessairement que ça soit moins cher. Ça, ouais. Ils comprennent pas. Moi, je pense que le noir, vraiment sa nature de base, c'est pas qu'il gueule. Au tout début, je dirais qu'il est complètement ahuri et il gambade à droite à gauche. Un coup, il a rire communicatif, un coup, il met des coups de machette. Et je pense que là, il chiale puissance 1000 parce qu'on lui explique bien surtout quand il arrive chez nous, où et quand chialer, en fait. Et après, là, je pense que ça roule tout seul. Ouais. Totalement, ouais. Non, mais enfin, pour eux, l'a bien dit, je veux dire, bon, le noir est un être émotionnel qui ne contrôle pas du tout ses émotions. Et il n'arrive pas du tout à gérer sa frustration et l'échec qui découle en fait de son inadaptabilité au monde civilisé en fait, parce que c'est ça hein, et qui passe son temps à essayer de trouver des coupables en réalité, et ça c'est habilement exploité par les médias hein, et aussi les juifs hein, qui utilisent comme ça cette victimisation en permanence, mais c'est un business hein, vous prenez Rokhaya Diallo. Exactement. Elle fait une carrière sur ce trait psychologique des nègres qui les porte à la pleurnicherie. Les fameuses pleureuses, d'ailleurs, tiens. Oui, non, mais c'est vrai, il n'y a pas que les noirs. Hein. Les juifs sont aussi des professionnels de la pleurnicherie. Hein. Ils sont très portés là-dessus. Mais le noir, sa vie, si vous voulez, est totalement conditionnée par un puissant sentiment d'infériorité. Vous n'avez qu'à les écouter. Les types, quand tu les écoutes, les mecs te disent qu'ils sont en échec sur tout. Et ensuite, ils te disent pourquoi ils sont en échec. Alors, quand ils t'expliquent les raisons qui, de leur point de vue, sont derrière leur échec, tu rigoles. Parce qu'en fait, c'est... En gros, les blancs sont méchants, quoi. Voilà, si les noirs échouent partout, c'est de la faute des blancs systématiquement, tu vois. Bon. Mais Rokhaya Diallo, elle, c'est devenu la caricature du business de la victimisation noire. Alors, à tel point que ça devient vraiment grotesque. Vous rappelez son histoire avec ses pansements. C'est-à-dire qu'un des combats principaux de Rokhaya Diallo, c'est quand même d'offrir des pansements marrons à des nègres dans les commerces. Je ne sais pas si vous imaginez, quoi. Attends, ils ont fait un coup pas mal aussi là, récemment, là, l'Opéra de Paris. L'Opéra de Paris, ah oui. Chiale, parce qu'en fait, en plus j'ai vu la nana qui témoignait là, sur le média abominable brut. Là. Elle a une coupe afro, mais c'est même plus une coupe afro, quoi. C'est le truc qui peut prendre feu à tout moment. Elle chiale parce qu'on lui dit, une réalité, c'est que effectivement vous composez un groupe de 6 femmes qui dansent, et ben, s'il y a une femme noire parmi toutes les blanches, oui, forcément, on la voit plus. Donc, celle qui n'est pas synchronisée et qui est noire, ben, on la voit 10 fois plus. Puis le chef, non, mais racisme systémique, machin. Mais bon. Ben non, mais déjà, si vous voulez, moi, le principe des femmes noires, enfin des femmes. Guenon. Des femelles de race négroïde, disons. Dans le ballet, ça m'échappe totalement. Je veux dire, le ballet est un art européen qui devrait être réservé uniquement aux femmes blanches. Voilà, c'est point à la ligne. Et en tout cas, à minimum, faire preuve de grâce et savoir... Mais vous les faites rentrer quelque part, ils se mettent à tout saccager. Le nègre ne sait que détruire. Il est stupide, il est brutal, il est jaloux, foncièrement jaloux, il souffre d'un énorme complexe d'infériorité, et il y a quand même quelques raisons pour ça. Et donc, quand il ne parvient pas à être au niveau, il veut tout détruire. Voilà. Donc, en fait, ces négresses incompétentes, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Eh ben, elles veulent tout saccager parce qu'elles sont pas au niveau. Elles ne seront jamais au niveau. Voilà. Tu t'entends pas? Bon, pareil, il y a aussi, comme on a pas mal de femmes asiatiques, parce que les pays asiatiques aiment beaucoup le ballet. Donc, ils ont développé des ballets nationaux, comme en Chine. Alors, parfois, elles viennent en Europe. On peut les trouver sur scène en Europe. Tu les entends jamais faire du cinéma comme ça. Donc on voit bien que c'est spécifique à ces nègres. Puis bon, je parle du ballet parce que ça, c'est le dernier exemple. Mais ils sont toujours en train de criser pour dire quoi? Mais pousse-toi là que je m'y mette. Voilà, pousse-toi là que je m'y mette. Ben non, le ballet, ça a été créé par l'esprit européen. Ça se voit dans la composition, ça se voit... Enfin, ça transpire complètement le génie européen. C'est pas remuer son cul dans de la poussière comme font ces nègres. Hein. Tu les laisses en roue libre, les nègres, ça se termine très vite en simulacre de copulation hein, sur scène, hein, c'est ça, hein, le twerk, qui est quand même la phase achevée de l'art africain, ça quand même consiste à simuler un acte reproducteur. Tu laisses ces sales nègres dans leur habitat naturel en Afrique, tu leur dis, écoutez les gars, faut créer de la musique maintenant. Bah, le type, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une chèvre, il l'égorge, il récupère la peau et puis il fait du tam-tam, quoi. Bah, en voilà, gros, ouais. C'est... En gros. Bah, nous, on fait des balais. Ceci dit, Gandalf, Bon, avec l'Opéra de Paris, ce ne serait pas possible, mais il y aurait moyen d'avoir un contrat avec Pinder Bouglione pour pouvoir faire l'opéra du Lac des Cygnes par des Vénus autantotes en tutu rose. Mais comment dire, pour les amateurs de ballet, par contre, je pense, pour, je vais quand même m'arrêter un petit peu sur l'histoire là, du ballet de Paris, enfin l'Opéra de Paris, je pense vraiment que ça va être mis en place. Hein. Parce que là, on assiste en fait à une révolution culturelle, hein, c'est l'équivalent de révolution culturelle, c'est organisé à haut niveau, parce que en fait, tout ça est très manipulé, parce qu'il ne faut pas non plus se tromper en se disant que ces nègres sont moteurs dans cette action. Ce n'est pas du tout vrai. Sur l'affaire qui concerne l'Opéra de Paris, vous réalisez que c'est le nouveau directeur qui est un étranger, je crois qu'il est d'origine allemande, mais il a été au Canada, il a été un peu partout. Et comment dire, il est en train d'essayer de mettre au pas culturellement ce qui est une scène évidemment prestigieuse du ballet international pour véhiculer un message politique. C'est clair. Et je le dis, il y a une mise au pas idéologique par les mêmes cercles globalistes qui veulent très clairement faire comprendre aux Blancs qu'on va les remplacer dans leur pays pour créer une société, une société cosmopolite complètement achevée. Alors pour les amateurs de ballet, il va falloir se replier dans d'autres capitales qui vont essayer de maintenir une tradition européenne. Alors peut-être le Bolchoï, hein. Il y en a peut-être d'autres, mais pour ce qui concerne, pour moi, l'Opéra de Paris, dans quelques années, ça va. Alors, on n'est pas directement dans la définition qu'adorent les nègres de l'appropriation culturelle? Ah si, hein. Il est temps qu'on leur mette dans la gueule. Il est temps qu'on leur mette dans la gueule. Alors qu'ils nous foutent la paix, qu'ils fassent du tam-tam et qu'ils laissent l'art européen, c'est-à-dire l'art, aux Européens, et qu'ils arrêtent de nous polluer. Et puis que ces directeurs stipendiés, là, que ces mecs-là soient mis à l'amende aussi. Il est temps, quand même. Enfin bon, Vas-y, Diabolix. Pour en revenir à ce restaurant, il faudrait quand même qu'on ait un petit support pour cette brave dame. Alors moi, je propose, pour ceux qui ont l'occasion d'aller à Nantes et de goûter une des grillades, je propose qu'au dessert, on commande une tête de nègre. Non, mais ça n'existe plus, ça. C'est interdit. Ils ont gueulé. Comment pour ça n'existe plus? Mais là, ils ont supprimé tous ces trucs-là. Tu peux plus les mots mais tête de nègre. C'est le patrimoine culinaire français. Ah, mais moi, je suis d'accord. Mais ils appellent ça tête au chocolat maintenant. C'est pas une blague. Bonjour, je voudrais une tête de nègre. Ah, putain. Ah, moi, je le ferais, ça. Et mettez-moi une grosse tête de nègre, s'il vous plaît, madame, merci. Avec du Panzer chocolat, s'il vous plaît, dessus. C'est bien noir, hein, la tête de nègre, merci. Voilà. Bah ouais, non, mais faut y aller, faut... Putain, parlez fort, quoi. Ce serait très drôle. Ah là là, ah mon Dieu. Bon, bah, bon courage quand même à cette commerçante hein, qui essaie quand même de joindre le debout. Alors, en plus qu'elle avait le confinement déjà, elle va avoir des meutes de cannibales. Qui vont pas tarder à encadrer par des antifas qui vont venir sous ses vitres. Ouais, non, mais la nana, elle a eu 10 commentaires négatifs, elle se fait déjà dessus, excusez-moi, mais les gonzesses, quoi. T'as raison, fait, mais. Elle avait des commentaires sur TripAdvisor, elle avait peur que les antifas ou les nègres viennent brûler son ouais, ouais, hein. C'est ça, elle avait peur que ça. N'empêche que, c'est-à-dire que par la rumeur parcourant la savane, ça aurait pu, si tu veux. Vraiment se transformer en campagne de longue haleine contre elle. C'est-à-dire que, imagine que le truc tombe, il suffit que Rocaille Diallo se mette à retweeter un truc là-dessus en disant ouais, il y a une pétition, truc, machin. Les quelques dizaines de mecs qui commentent se transforment en quelques centaines de nègres enragés qui viennent sur ta page TripAdvisor, te foutent des sales notes, t'insultent, menacent de mort. Enfin, ça peut tourner à ça très très vite. Il suffit, je te dis, de 2-3 comptes Twitter. Un peu en vue et le bad buzz il est garanti quoi. Et quand tu vois l'attitude des médias, même là dans Ouest France, tu vois la nana elle est là, bah oui j'ai changé une lettre et tout. Tu vois bien que le journaliste il est là, tu vois il met la pression, tu le sens dans la façon dont il aborde la situation. Alors, à plus forte raison, les médias ultra-militants, type Libération et autres. Je veux dire, vraiment, aujourd'hui, ils peuvent te faire une campagne d'anéantissement économique en très très peu de temps. Donc, c'est vrai qu'elle a paniqué face à quelques commentaires, c'est vrai, mais ça prend 24 heures en réalité, hein. Ça prend 24 heures. Hein. Finalement, elle a eu de la chance, quoi. Elle a eu de la chance que des poisons ambulants comme Rokéa Diallo ne se soient pas saisis de ce genre de truc, quoi. Rokéa Diallo, qui, je le précise, pour ceux qui auraient loupé un épisode, est maintenant une recrue du Washington Post, hein, qui est carrément le journal de la CIA, je veux dire. Donc, si vous savez pas qui c'est qui paye ces gens-là, fouinez un petit peu. Hein. Ça n'a rien d'organique. Hein. Ça n'a rien d'organique. Rokéa Diallo, vous la voyez dans les médias, vous la voyez là. Ça, c'est des gens qui sont mis là par la CIA. Hein. Faut pas oublier qu'on est quand même une colonie. Hein. Donc, bon. Est-ce que c'est pas une young leader aussi, la Diallo? Si, mais elle avait ses entrées sous Obama, elle avait ses entrées à l'ambassade des États-Unis, etc. C'était vraiment... d'ailleurs, là, avec Biden, elle va y retourner. C'est les agents du département d'État. Voilà. Ils sont payés pour faire ça, pour faire ce travail de propagande, d'agitation raciale. Exactement comme ils le font aux États-Unis, d'ailleurs. C'est à la fois interne et externe. Donc, c'est un système impérial. Donc, ils exportent ce modèle-là. Donc les tensions raciales sont alimentées à dessein en France, de manière totale, pas totalement artificielle. Il y a quand même des nègres, si vous voulez, qui ne demandent qu'à s'en prendre aux Français de souche, mais ils sont très aidés pour le faire. Le cas typique, c'est Assa Traoré. Enfin, c'est grotesque. Elle est interrogée sur tous les grands médias. Elle a la tête d'une véritable tribu d'escrocs. Ils ont quand même organisé à Beaumont-sur-Oise, une insurrection armée contre la gendarmerie. Là, ils sont en train de pleurer parce qu'il y a eu, je sais pas, avec la rêve partie dont on va parler, il y a eu quelques tensions. Ça, mais c'est une blague à côté de ce qui s'est passé à Beaumont-sur-Oise. Il y a eu des dizaines de gendarmes blessés. Il y a eu je ne sais pas combien de tirs à armes réelles sur les véhicules de police. C'était une véritable insurrection. Une insurrection raciale organisée par le gang Traoré. Et Assa Traoré est accueillie sur tous les plateaux de télévision. Elle est accueillie. Comment s'appelle là, le tétard là? Il est tout mince là. Il est comment dire là il est... Comment il s'appelle ce con là? J'ai oublié là. Mais il est tout petit. Barthes. Ouais. Barthes. Voilà celui-là. Il a invité en guest star. Elle est sur toutes les radios, publiques, etc. Elle sort son tam-tam pour se dire. Puis, vraiment, enfin c'est. C'est totalement monté de A à Z, quoi. Mais au bout d'un moment, ça produit des effets. La meilleure preuve, ça a été la véritable prise d'assaut d'un tribunal à Paris par des dizaines de milliers de nègres. Des dizaines de milliers de nègres qui ont fondu sur le tribunal là-bas. Je peux vous dire qu'à mon avis, les magistrats dans le tribunal ont fait quelques tours aux toilettes, hein. Je sais pas si vous allez vous rappeler des images, mais c'était une nuée de nègres surgit de partout et ils voulaient en découdre, hein. D'ailleurs il y a eu des violences en plus. Voilà, alors après comme il y a quand même une efficacité blanche, bon, ils ont déployé 100 CRS et tous ces négros se sont envolés comme une poignée de moineaux, hein. Mais bon, voilà, donc tout ça est orchestré. C'est orchestré, et bien sûr, les médias jouent un rôle central dans cette alimentation de la haine anti-blanche, et évidemment, comme tu disais très bien, Merlin, en fait, on leur dit quand se plaindre, en fait, et à qui s'en prendre. Ce sont des instruments, ils font partie de la République et de la du plan juif, pour faire gros, quoi. Ouais. Ok, bon. En tout cas, on aura parlé de cette petite anecdote ô combien révélatrice. Alors, messieurs, je voulais aussi, là-bas toujours, hein, sur le thème de l'éternagritude, est-ce que vous avez vu les nouvelles naissances du nouvel an? C'est la nouvelle année. Alors, chaque année, vous savez, il y a le nouveau bébé de 2021. Alors, soit au plan national, soit par département, soit par ville. Est-ce que vous avez regardé un petit peu, fait un petit tour d'horizon de la situation ? Non. Non ? Ah bah c'est bien dommage. Tu veux que je te montre quelques clients, peut-être ? Ah oui. Ben, on va vous montrer ça tout de suite. Alors, donc, nouvel an marron, hein, les nouveaux bébés de l'année 2021. Alors, un petit tour d'horizon, c'est pas exhaustif, hein, mais moi, j'ai tout à fait frappé de voir des nouveaux Français. Alors, je crois que celui qui en parle là-bas, c'est le Creusot. Le Creusot où on apprend, alors ça c'est lecreusot.info, hein, non, lecreusotinfo.com, vous saurez tout. Alors, il n'a pas attendu 10 heures, c'est en effet à 9h58 que Waer, je ne sais même pas ce que c'est comme nom, a poussé son premier cri, le premier c'est pas le dernier, j'aime autant vous le dire, à la maternité de l'Hôtel Dieu du Creusot. Ce solide garçon pesait 4,1 kg et mesurait 54 cm, une taille peu souvent atteinte à la naissance, hein, fait observer le journaliste. Hein. Waer est le premier enfant de Shakila et Anzize Ahmed, un couple domicilié au Creusot et qui est originaire des Comores. Alors, il y a le père, là, je vois. Comment dire ? Il y a une diversité de nuances de marron sur ce visage, c'est extraordinaire. Il a des babines, elles sont. Il est gonflé, je sais pas comment dire quoi. Il est gonflé. Puis il a un nez. Il va falloir les narines. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à mettre un masque ces gens-là avec un pif pareil? Je sais pas. T'as qu'à regarder, ils le portent pas vraiment. Hein. Alors c'est nos auditeurs peuvent pas apprécier comme nous hein, le spectacle. Enfin, il a une belle casquette avec une brousse, on dirait. Oui, c'est une brousse. Hein. C'est une brousse sur sa casquette qui est représentée. Voilà. Le gamin est surprenamment très clair, mais ça va vite se corriger, je pense, en grandissant, à mon avis. Hein. Oui, vous ne laissez pas tromper. Hein, quand ils naissent comme ça, ils sont un peu plus clairs, mais ça bronze très très vite dans les semaines qui suivent. Tout à fait. Voilà. Donc, le premier Français de l'année au Creusot, c'est Waer et Shakila et je sais pas quoi. Moi je vous propose ensuite d'aller à Dreux, pourquoi pas. Allez, à Dreux, l'éco-républicain qui nous raconte cette belle histoire de la nouvelle année, à quelques chambres de Louane, donc ça c'était une autre naissance, Julien Al-Khatib, 3,9 kilos, a clôturé l'année 2020 en beauté. Ah ouais, ça c'est... Bon, bah c'est pareil, alors vous regardez, c'est une famille de Syriens, là, je crois, c'est particulier. Là, c'est une colonie syrienne. Probablement se terminera de la même façon. Alors bon, on pourra continuer comme ça longtemps, mais c'est vrai que Waer, là, m'a dit... Ah non, il y a quelque chose de très bien, c'est à Chambéry, là. Vous savez, Chambéry. Chambéry, oui, c'est la petite Yara qui est née à 1h13 du matin le 1er janvier 2021 à la maternité Léveillon. Hein, donc on est en Savoie, 3,3 kg, 50 cm. C'est assez impressionnant quand même. Elle est, en plus d'être le premier bébé savoyard de l'année, elle est également le premier enfant de Hansa Sid Hamed, 32 ans, et de Farid Mohamed Fami, 33 ans, tous deux Soudanais résidant à Biolay, à Chambéry. Petit coucou au Savoisien, le grand monarque, on pense à toi, camarade. D'ailleurs, elle a réussi la performance, la maman a réussi la performance d'être grosse. Après l'accouchement aussi, c'est intéressant. Oui, là. Hein, oui. D'ailleurs, la maman, on a l'impression qu'elle a du poil pubien qui lui pousse à la place des cheveux. J'allais te le faire observer. Non, mais les auditeurs ne peuvent pas se rendre compte. Hein, non, ils ne peuvent pas se rendre compte. Photos, mais c'est des photos assez spéciales. En fait, vous allez voir l'article. Parce qu'en fait, les photos, elles puent. Là, c'est des photos qui puent. Vous lisez le truc, vous bouchez le nez, quoi. C'est un réflexe. Non, mais c'est... Et notre cher Gandalf a du mal à prononcer tous ces prénoms un peu exotiques. Hein. Mais je rappelle quand même, il y a une petite lueur d'espoir, c'est que le prénom breton Fanche est interdit. Voilà, on n'a pas le droit d'utiliser le prénom là. Ah oui. Par contre, vous avez le droit des wear, des trucs pas possibles. Quoi. Des trucs pas possibles, ouais. Ça c'est pas possible. Démocratie participative point digital, le premier site en odorama grâce à la République française. 6D. L'autre au-dessus, il s'appelle Julien. Ouais. Mais ça veut dire que tu regardes ta liste, tu regardes le grand emplacement au niveau des prénoms. Bon, t'as du Mohamed à foison et tout. Et de temps en temps, t'as un nom français. Bon. Et attends, mais des fois, en fait, ça peut être un arabe quand même ou autre. Ah, totalement, c'est... totalement. Oui, mais le gars a vu Zemmour à la télévision. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, Zemmour, il a dit que c'est bon, t'as un prénom français. T'es français. L'ADN, il change. T'es français comme toi. J'ai envie de chialer, franchement. Non, mais je veux dire, j'ai été très étonné de voir des noms bizarres accordés à des nouveau-nés d'origine africaine ou musulmane, hein, genre des mais des noms genre Thaïs, des trucs, tu sais, les noms de bah, t'as l'impression qu'ils ont pris le bottin, tu sais, genre les mecs qui cherchaient un peintre, ils ont trouvé le premier nom de la boîte qu'ils ont trouvé, tu vois, puis ils le donnent, tu vois, c'est des noms, tu sais même pas d'où ils sortent, quoi. Bah attends, tu regardes la liste, tu te dis, vraiment dans un futur dystopique complet, quand ça sera achevé, en fait, tu auras des Julien, des Renaud, des Pierre, ce sera tous des Noirs, des Arabes, et puis tu pourras reconnaître les Français dans la liste quand ça sera un Enzo, un Timéo. Ouais, mais c'est... Non, pas, tu rigoles, mais c'est ça. Alors bon, il n'y a pas quand même que des Africains et des musulmans. Allez, en Normandie. Le premier bébé, donc là on est en Normandie dans l'Eure, hein, le premier bébé 2021 du département de l'Eure est une Vernonnaise. Ah. Abigail a montré le bout de son nez à minuit 42, hein, ce 1er janvier, à la maternité de Vernon. Elle pèse 2,9 kg et elle a déjà été gâtée en recevant un doudou de la direction. Formidable. Alors Abigail est un prénom juif et quand tu regardes effectivement les parents, et puis là on n'est pas sur de l'Ashkenaz, hein, on est franchement sur du séfarade, mais même pour un séfarade, c'est très très très brun. Très très bon. Le père a un pif qui sort même du cadre, quoi. C'est... Ah ouais, non, mais il est tellement. C'est un juif du Yémen, je veux dire. Franchement. Mais au début, je croyais que c'était un musulman. Quand j'ai vu la photo. Ah, complètement. Et la mère, on dirait Leonardo un peu. Oui! Et si vous remarquez, ils ont déjà mis, un petit chapeau juif au bébé là. Ça, il est déjà. Ouais, bah qu'il en profite bien parce que dans 8 jours, ça va pas rigoler. C'est une fille. Le gosse est dans une papillote, on dirait. Ah, c'est une fille. Bon, bah elle a du poids. Moi, je trouve la France encore un petit peu rétrograde et qui manque de modernité en matière de prénom, parce que le prénom Griezmann Mbappé, suite à une décision de justice, a été interdit. Quoi. Franchement. Il y a Jérôme Fourquet qui a fait une étude, on va parler un peu plus sérieusement là. Il y a Jérôme Fourquet, vous savez, le sociologue de gauche, qui est l'auteur du fameux livre L'archipel français, qui a connu quand même un succès de librairie, qui a produit une analyse de la société française à partir des prénoms, aujourd'hui, on va dire, dans la séquence des années 2010. Quoi. Et j'ai dû en parler dans des émissions précédentes. Mais on assiste en fait à, évidemment, parce que, comme il dit très bien, Fourquet, il a raison, c'est un sociologue de gauche, hein, je précise. Mais il dit que ce que les prénoms révèlent, c'est pas tellement ce que les prénoms révèlent n'a pas tellement de lien avec les enfants qu'avec leurs parents. C'est-à-dire que les parents donnent un nom et par là véhiculent l'identité collective. Et il dit que ce qu'on voit apparaître maintenant en France, c'est la création de véritables... ce qu'il appelle des silos, qui sont en fait des silos de prénoms qui coexistent, si vous voulez. D'où son expression, l'archipel. C'est-à-dire que vous avez comme ça un ensemble d'îles qui, en quelque sorte, cohabitent dans le même espace, mais qui ne partagent pas du tout la même identité, la même origine, les mêmes aspirations, etc. Alors il a été, ils ont fait quand même un gros boulot, hein, donc d'analyse sur tout le siècle, je crois, parce qu'ils ont commencé, je crois, au début du XXe siècle, et ils ont recoupé ça aussi avec les cartes, les lieux de naissance, c'est très intéressant. Alors, parmi les choses qu'il indique, c'est par exemple l'effacement complet que l'on retrouve dans les prénoms, hein, l'effacement complet de la culture chrétienne. C'est-à-dire que les prénoms chrétiens, même s'il en reste, hein, s'effacent considérablement au point de devenir de plus en plus résiduels. Par exemple, il n'y a pratiquement plus de Marie, par exemple. Alors que c'était un prénom qui était très très fréquemment donné dans la première moitié du XXe siècle. Il n'y avait pas de nom musulman en France dans les années 50, et aujourd'hui c'est 20%. Je ne sais pas si vous imaginez, 20% des enfants qui naissent en France aujourd'hui reçoivent un prénom musulman. En sachant que, et c'est pour ça que, en parlant de Thaïs et des prénoms improbables qu'on trouve, en sachant que tous les allogènes ne reçoivent pas un prénom musulman. D'accord ? Être d'origine extra-européenne ne veut pas dire que vous portez un prénom musulman ou que votre famille est musulmane. Attention, attention. faut pas perdre ça de vue. On a tendance à réduire islam, immigration, immigration, islam. C'est beaucoup plus complexe que ça. Vous avez des gens qui sont d'origine musulmane, qui vont donner un prénom qui n'est pas musulman à leur enfant. Ça arrive. Ça arrive plus fréquemment qu'on ne croit. Même si très souvent, ils le donnent. Enfin, ils donnent un prénom musulman à leurs enfants. Et donc, dans cette étude-là, on voit le paysage futur de la France du XXIe siècle. Hein. Parce que ces gamins-là qui naissent aujourd'hui, dans 20 ans, ils seront adultes. Donc, ça nous donne une photographie de la situation. Et comment dirais-je, Jérôme Fourquet, alors qui quand même est prudent dans les termes qu'il utilise, explique bien. Il a d'ailleurs, je vous invite à regarder ses conférences hein, que vous pouvez trouver sur YouTube. Il en a fait une au Sénat, il en a fait un peu partout. La photographie qu'il fait de la France de 2040, il faut quand même comprendre que c'est une France totalement libanisée. Parce qu'en fait, le cœur nucléaire de la France française, si vous voulez, qui est évidemment le français de souche, mais sa démographie est tellement atteinte, à la fois parce qu'il y a un phénomène de dénatalité, puisqu'il y a une immigration de masse, qu'en fait, il n'est plus le maître étalon de la norme culturelle. Vous voyez ? Donc, il n'a plus le prestige culturel nécessaire, en raison de son affaiblissement démographique, pour être le moteur des comportements et de la formation de l'identité collective. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Hein. Je veux dire, vous faites venir des gens de l'étranger, il y a un phénomène de colonisation qui se met en place. Et ce phénomène de prénom est l'expression de cette colonisation qui est en cours. Et alors, il y a d'autres phénomènes assez intéressants qui sont un peu plus marginaux. Donc, il y a aussi le phénomène des prénoms à connotation dite régionale, ou on va dire ethnique blanche en fait, si vous voulez, prénom corse, prénom breton, prénom germanique en Alsace, vous voyez, ce genre de choses. Mais surtout, vous avez des phénomènes dans les parties privilégiées de la société française, et je parle là des blancs. Donc des gens qui continuent à donner des prénoms catholiques, genre Petroni, des noms comme ça, vous voyez. Et ça, on peut les retrouver dans la région de Versailles, des choses comme ça, quoi. Voilà. Avec une sociologie complètement différente aussi, des activités en commun complètement différentes. Enfin, il y a vraiment un éclatement, quoi, de la société française. Sur une base ethnique, raciale, religieuse. Et alors, dans le prolétariat blanc, ça, c'est très intéressant dans son étude, il y a ce phénomène-là, vous avez le phénomène des prénoms qui viennent des séries américaines, vous savez. Donc, en fait, les familles blanches, en fait, qui ont pas... Typiquement Kevin, quoi. Kevin, ça a été un carton dans les années 90, pendant des années et des années. C'est tout à fait typique, t'as raison. Steve, ou Jordan, Bardella, vous voyez. Voilà, des gens comme ça. Brenda. Voilà, totalement. Alors ça, c'est les prolétaires blancs qui, en fait, n'y a plus de transmission, si vous voulez, d'une identité collective. C'est sous l'effet de l'atomisation complète de la société, en fait. Donc les gens bricolent. Ils se bricolent une identité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils allument la télé, regardent. Voilà, ah tiens, un prénom qui pour eux a du prestige, il est à la télévision, ils le reprennent. Et donc c'est ce phénomène. Et maintenant, il y a un phénomène plus récent, c'est effectivement les prénoms comme Enzo et tout ça. Donc des prénoms à connotation italienne. Voilà. Bon, il y a des vagues comme ça. Mais c'est très très frappant. Et je crois que Fourquet met aussi en avant le fait que dans la France qui était encore blanche, on va dire, il y avait un panel de prénoms plutôt restreint. Et maintenant, même pour les bobos, mais pour les vrais Français, par exemple, tout ça est complètement diversifié. En fait, tout le monde veut absolument être original, avoir des prénoms très originaux pour leurs enfants. Et comme tu disais, les prénoms traditionnels de type Marie sont plutôt utilisés, quoi. Ouais, ça, c'est sous l'effet de l'individualisme, en fait. Ouais. Sous l'effet de l'individualisme, les gens cherchent à se démarquer du groupe, ne pas appartenir à un groupe, ne pas partager les codes du groupe, mais à échapper au code collectif. C'est très, très révélateur d'une société, ça. Donc, effectivement, ils disent même, enfin, Fourquet explique même qu'il y a 50 000 prénoms, ils sont tellement rares, on ne peut pas les classer. Parce qu'il y a genre, il y a deux personnes qui ont ce prénom-là en France. Vous voyez, c'est des prénoms vraiment improbables, etc. Tellement les parents se sont décarcassés à trouver un nom pour leur enfant qui est unique, quoi. Sous l'effet justement de cette poussée individualiste dans la société française. C'est intéressant quand même. Puis pendant longtemps, on n'avait pas le droit d'utiliser. Il fallait prendre des prénoms du calendrier, hein, je crois. Ouais. Ce qui a permis aussi de contrecarrer les volontés légitimes, souvent, à mon avis, mais enfin bon, régionales, de vouloir donner les prénoms, des prénoms, comme tu as dit, prénoms alsaciens, corse, breton, etc. Disons que. Et ça évitait aussi le fantasme, parce que parfois, les parents vont donner un prénom qui est importable quasiment. Donc, le pauvre gamin, il devrait porter ce prénom toute sa vie. Bon, c'est quand même pas des cadeaux, souvent. Typiquement, Griezmann Mbappé, tu vois. Je savais même pas qu'il y avait des demeurés qui avaient essayé de faire ça, quoi. Ce qui ne m'étonne pas. T'as des Corleone, t'as des Al Pacino, et t'as des Bruce Lee comme prénom. Bruce-Lee. C'est les prénoms qui ont été acceptés, hein. Mais voilà. Mais pour l'histoire du prénom breton, là, Fanch, donc F-A-N-C-H, donc ils ont trouvé une petite pirouette pour leur fusée, c'est parce que le N, il y a un tilde au-dessus du N, donc du coup, ça fait pas partie de l'alphabet traditionnel français, donc hop, c'était refusé. Ce qui est faux, puisque l'ancien bras droit de notre ami Castaner, Núñez, a un tilde sur son prénom et il est à l'état civil. Donc c'est une excuse. Enfin voilà, enfin il y a une atomisation de la société française sur, enfin il y a une libanisation, une balkanisation. Et bon, c'est pas un scoop, mais c'est vrai qu'avec ces bébés du Nouvel An, on voit la photographie raciale de la France et c'est quand même terrible, quoi. Il y a vraiment une colonisation de masse qui est en cours. C'est absolument effrayant. Hein. Par contre, une magnifique, enfin, peut-être pas totalement une uniformité, mais alors il y a quand même une tonalité d'ensemble qui porte au marron. Hein, je veux dire, c'est vraiment. Alors il y a toutes les couleurs, toutes les nuances. Hein, beige crème, un peu de café avec beaucoup de lait, ou alors café noir, hein, ouais, très très noir, très serré. Mais on a quand même, on a là quand même une un panaché. Je veux dire, c'est. Donc alors, c'est par le. On est dans l'Eure en Normandie, on est dans le Béarn, on passe par la Savoie. Il y a vraiment une redondance. Hein. On sent bien que, quand même, le processus est en cours. Berlin, tu voulais dire quelque chose? Excuse-moi, Jean-Yves Le Gallou a dit quelque chose aussi. Il a relayé quelque chose sur son Twitter au sujet du premier bébé corrézien. C'est des Soudanais aussi, je crois. Ah, des Soudanais, ah bah, tu vois, en Corrèze. Chez François Hollande et Jacques Chirac. Le journal de la montagne. Oh, c'est des rouges à la montagne, ouais. Ouais, ce que je voulais dire, c'est ce que je trouve vraiment triste, c'est que bon, bah, les Français se dirigent vers d'autres prénoms à la hauteur de leur dévastation culturelle. Donc ils vont chercher eux-mêmes des références, des trucs qui leur importent, mais ça vient de Netflix, ça vient des prénoms exotiques ou autre chose. Mais c'est également en parallèle pour quand même mépriser les prénoms français, parce qu'il y a également le mépris, c'est pas seulement délaisser, c'est le mépris, c'est beauf, c'est ci, cela, et à tel point que les vrais prénoms français, je trouve qu'ils existent encore, mais à travers, par exemple, des sketchs, des gens qui se croient drôles pour stigmatiser le beauf, ces trucs-là. Ouais. Et donc le prénom, par exemple, je sais pas, Robert ou Jean-Jean ou des trucs comme ça, ça existe encore, mais c'est vraiment pour rappeler à quel point c'est de la merde, quoi. C'est beauf, c'est etc. Quoi. Non, mais le français est raciste, beauf, tu fais bien de le dire, et sale aussi. Voilà. Donc, c'est quelque chose de honteux. Il faut, voilà, c'est... dégage. Le prénom vraiment français est quand même rappelé à tout le monde, quoi. Comme quoi, c'est de la merde. Voilà. Il faut quand même rappeler à quel point le concept de beauf a fait beaucoup pour la bourgeoisie française. Parce qu'avec la vague socialiste, c'était un petit peu dur de mépriser le peuple parce que c'était les pauvres, c'était les opprimés. Et il a suffi de les appeler beaufs et de les traiter de racistes pour pouvoir leur dégueuler dessus comme on veut. Et ça, quand même, c'est une grande avancée pour la bourgeoisie. Alors, c'est très bien observé. Merci pour eux. C'est très bien observé. Et il faut aussi pointer du doigt les responsabilités dans cette opération. De réhabilitation du mépris social, c'est Charlie Hebdo. Oui, Canal aussi, ils ont fait beaucoup, je trouve, via des programmes comme les Guignols, bah ouais, Hollande. Mais t'as raison, ah, exactement. Mais ces gens-là s'inscrivent dans la continuité de Charlie Hebdo. C'est vrai. C'est Charlie Hebdo qui a été pionnier dans ce domaine-là, avec le fameux personnage de Cabu, le beauf. Super Dupont. Ouais, après, il y en a eu d'autres, hein. Mais Cabu, lui, il a créé le personnage du beauf alors qu'il y a toutes les tares, quoi, tu vois. Enfin, selon la nouvelle norme décrétée par la nomenclatura gauchiste parvenue au pouvoir sous Mitterrand, qui est vraiment, voilà, alors misogyne, raciste, alcoolique, comment dirais-je, borné, stupide. Battant sa femme, hein, ça va avec. Le mec, il la tord sur tout, tu vois. Et parce que par contre, vous voyez, les gens qui veulent nous faire venir, ils battent pas leur femme, non. Et puis ils sont pas du tout débiles non plus, quoi. T'as déjà entendu parler d'un Algérien qui tape sa femme, toi? Bon, voilà, ça serait. Voilà, sur le Coran de la Mecque, jamais de la vie. La moustache, le pull gris qui bouloche. Ouais, les lunettes noires et tout. Ouais, non, c'est... Et en fait, ils ont... t'as très bien résumé le truc, hein. Je vais pas répéter. Donc, mais ils ont fait ce travail-là, et c'est vrai que ça a été poursuivi ensuite par Canal+. Notamment les Deschiens. D'ailleurs, oui, les Deschiens et Groland aussi. Ouais. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que moi, comme je viens de ce milieu de beauf, excusez-moi, pardon, hein, nous on regardait ces émissions-là, puis ça nous faisait marrer parce que c'est vrai que on reconnaissait certains trucs, bon, c'était très exagéré, mais il y avait toujours une part de réalité dans la caricature, hein, toujours. Et finalement, on le prenait assez bien. On se rendait pas compte, en fait, de l'attaque que c'était en vérité. Bah, en fait, c'est drôle parce que jusqu'à présent, les caricatures visaient les puissants, en fait. La caricature, à l'origine, elle vise à tourner en dérision les puissants. Je veux dire, tu prends même les fables de La Fontaine, hein, même si c'est plus large que ça, c'est pas uniquement les puissants, ça parle quand même beaucoup de l'ordre social tel qu'il est constitué, etc. Et là, pour la première fois, les caricatures ont été retournées contre le peuple. Et on a fait croire que c'était transgressif. Donc, durant toute l'époque des guignols de l'info, avec cette salope de Bruno Gaciot, qui est une ordure finie. Ah oui, c'est vraiment la chure intégrale. C'est le mec de gauche qui prétend sauver le peuple, il le hait. Ah ouais, non. Il le hait, le peuple. Il est gavé de fric. Non, c'est... ils ont inculqué au peuple la haine de soi. Et ils ont fait passer cette haine de soi pour de la transgression. Et ça a eu des effets considérables sur les jeunes. Et si vous vous rappelez même des guignols de l'info, alors ça appartient au passé maintenant, ça n'existe plus les guignols de l'info. Mais ça a marqué quand même son temps dans les années 90, indubitablement. Même jusque début des années 2000, on va dire. Ils ont essayé de rendre sympathique, à dessein, de manière très cynique, Ben Laden, Oussama Ben Laden, en faisant croire en plus à la version officielle du 11 septembre. C'est-à-dire que Ben Laden, c'est un mec sympa, c'est un bougnoule sympa. Au fond, tous les Algériens sont des Ben Laden, mais ils sont cool parce qu'ils niquent l'oncle Sam, tu vois. Je veux dire, comme mystification, c'est quand même extraordinaire, tu vois. Donc, on rend les égorgeurs sympathiques en les faisant, simplement en les présentant comme d'authentiques résistants contre Stallone, contre la World Company. Ouais, c'est ça. Alors qu'en réalité, quand tu creuses l'affaire du 11 septembre, tu découvres quoi? Que la famille Bush et la famille Ben Laden ont des relations très étroites, ils ont des relations d'affaires très étroites, l'établissement princier saoudien est intégralement lié aux plus grandes familles américaines, que c'est un jeu de dupes, que les djihadistes sont soutenus depuis l'origine par la CIA qui s'en sert, et notamment récemment, bien sûr, en Syrie et ailleurs, même maintenant, ils essayent un peu en Chine, là, avec les yaourts, là, vous savez, là, les yaourts. Les yaourts persécutés, là, de Glucksmann. Bon, ils ont réussi ce tour de passe-passe à rendre Oussama Ben Laden sympa, à faire croire que c'était un résistant du tiers-monde à l'oppression blanche, et que les Blancs avaient bien évidemment tort sur toute la ligne, et qu'au fond, ce qui lie l'empire financier américain exploiteur et le beauf dont on a parlé, bah, c'est qu'ils sont Blancs tous les deux, officiellement. Alors, comme si l'établissement américain était contrôlé par les rednecks du Texas. Bref. Ou les suprémacistes blancs. Voilà, ou les suprémacistes blancs. Ouais. Non, mais c'est extraordinaire. C'est marrant comment eux-mêmes ont très peu d'humour, parce que quand il y a eu la popularisation du terme bobo, qui est l'équivalent, hein, qui est le retour à l'envoyeur du terme beauf. Ouais. Ben moi, je les ai très vite vus pigner dans leurs journaux pour dire quand même que oui, ça, c'est un peu simpliste, ta-ta-ta-ta-ta, tout de suite se défendre. Ils n'aiment pas. Ils n'ont pas le sens du ridicule, ils n'ont pas. Pas d'autodérision. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, ils n'ont pas d'autodérision. Pas de capacité à se moquer d'eux-mêmes, ouais. Absolument pas. Non, absolument pas. Ils se prennent très au sérieux et. Bah, quand le petit peuple leur renvoie un petit peu la manivelle, ils sont outrés, quoi. Ils disent, mais quoi? Comment ça? Ils sont choqués, blessés, je crois. Bon, les guignols, oui, il y a évidemment quelques sketchs qui étaient pas mal, faut quand même pas non plus. Mais il y a énormément de saloperies qu'ils ont fait passer. Par exemple aussi, Le Pen, il était caricaturé en bulldog. Alors au-delà, évidemment, Le Pen a ses défauts et il a fait plein d'erreurs, mais bon... On n'analysait même pas ce qu'il disait, on se moquait même pas de ce qu'il pouvait raconter, on le caricaturait simplement comme quelqu'un qui aboyait, quoi. C'était un bulldog, donc c'était même pas drôle. Là, plus récemment, j'ai vu qu'il s'est moqué de Poutine souvent en disant, Poutine disait, bon tiens, vous êtes pas d'accord, vous allez au goulag, bon, comme si c'était l'URSS, etc. Alors évidemment, Poutine a fait arrêter des gens et compagnie, mais à un moment donné, maintenant, où là, les Français sont obligés de rester chez eux, ou alors d'être confinés, ou d'avoir un couvre-feu et subissent des restrictions de liberté incroyables, je sais pas, il faudrait que je regarde de nouveau les guignols. Non, ça n'existe plus, enfin, je sais plus. Non, ça existe. Comment est-ce qu'ils pourraient se positionner vis-à-vis de ça, quoi. C'est-à-dire, la réduction de liberté, ça vient pas du dictateur qu'ils avaient cru comme étant un dictateur pendant très longtemps, mais ça vient finalement des élites pour lesquelles ils ont voté, qu'ils ont promu, c'est-à-dire Macron et compagnie. En même temps, c'était prévisible, hein, à force de donner un semblant à ces gens-là, ils en usent et en abusent. Un blanc-seing. Oui, merci. Le semblant, c'est pas mal aussi. Bah, moi, j'aime bien. Ouais. Surtout s'ils sont raisonnablement gros. Tu m'en diras tant. Tu m'avais. Tu m'en diras tant. Alors, en tout c'est cas. C'est quand même con pour Cabu, hein. Le mec, il passe quand même sa vie à blâmer le blanc, beauf, raciste, donc à promouvoir un peu l'exotisme étranger. Bah, je crois que les exotiques Kwashi, ils ont pas pris ça en compte. C'est con, hein. Mais c'est non, ce que... mais c'est des gens qui ne vivent que par la haine, hein. Je veux dire, faut pas croire, ils ont jamais. Ils n'aiment pas les Maghrébins, ils n'aiment pas les Noirs. Bah, ils les veulent, mais loin, quoi. Oui, non, mais ils les aiment pas vraiment, c'est par calcul, hein. Ce sont des gens qui sont en vérité très, très, très sombres, hein. Des gens comme Cabu, c'est la haine qui les habite plus qu'autre chose. Ouais, c'est du cynisme. Alors moi, je leur renvoie leur propre vocabulaire à la face, hein, mais quand tu sais ce que c'est qu'un maghrébin, tu sais ce que c'est qu'un noir, comment ces gens-là, avec ce qu'ils nous reprochent à nous, peuvent aimer les maghrébins et les noirs? Je ne comprends pas. Et je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ils les aiment parce qu'ils voient le potentiel de destruction qu'ils ont. Et c'est uniquement pour ça qu'ils les aiment. Ouais, totalement, ouais. Alors... Comme ils vont dire qu'ils aiment la France, quand la France se perd, quand la France devient un outil du communisme, à ce moment-là, effectivement, ils vont dire qu'ils aiment la France. Vous voyez ? Mais il y a toujours un calcul, c'est jamais droit, ce sont des gens profondément tordus. Totalement. Alors malheureusement, Cabu ne pourra pas te répondre, hein, il est occupé. Mais il a pris rendez-vous chez le dentiste. Mais comment dire Non, mais il y avait une parabole, hein. J'avais évoqué ça. Là, ils ont fait tout un ramdam là pour les 5 ans du truc. Alors, les 5 ans, les 10 ans, ça va être comme l'Holocauste. Hein. Tous les ans, on aura une commémoration. C'est une parabole. Il y a toujours un message finalement implicite. Et le fait que ce soit des immigrés algériens. Musulmans, par évidence, qui est assassiné les gens de Charlie Hebdo, dont Cabu, qui a passé sa vie à militer pour l'immigration de masse et à appeler même à interdire le Front National. Hein. Ils avaient fait une une là-dessus, il faut interdire le Front National, hein, ils avaient fait campagne là-dessus. Je trouve ça extraordinaire. Ouais, il y a là une forme, effectivement, de justice immanente. Oui, puis de justice tout court, je veux dire, ces mecs-là, en terre de l'islam, avec la façon de vivre qu'ils ont, les mœurs qu'ils ont, leur espérance de vie, c'est quoi? 5 minutes? Ben voilà, mais bon, ils ont voulu les immigrer, ils les ont eu, quoi. Et toute cette c'est un peu la thématique de toute cette génération-là. C'est pendant 50 ans, ces types-là, parce que c'est la génération du baby-boom, hein, surtout, hein, grosso modo, hein, Charlie Hebdo, c'était ça, enfin les fondateurs, j'entends. Et en gros, bon, même s'il y a eu avec Philippe Val, il y a eu une évolution, mais grosso modo, le ton était donné. Parce que Philippe Val a vraiment, enfin, lui, il s'est carrément aligné sur. Sur les comment dire l'extrême droite juive suprémaciste, hein, elle est, il est très clair là-dessus, hein. Enfin, lui, il veut la victoire de la suprématie juive dans le monde, hein, c'est son objectif, quoi. Et d'ailleurs, il porte une forme de responsabilité, hein, il a poussé tous ces mecs-là à provoquer les musulmans constamment. Tu parlais de calcul et de cynisme, faut pas se mentir, hein, Philippe Val va très bien, hein. D'accord. Bon, il va probablement mourir dans son lit, ce mec-là. Hein. Bon, bah, les mecs qui sont fait calibrer, ils ont cru à l'arnaque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la fidélité, c'est pas une catégorie de gauche. Hein. Faut bien comprendre ça. Ah, totalement pas. Hein. Donc voilà. Je dis au cas aux gens qui voudraient collaborer avec ces gars-là, soyez pas étonnés si vous retrouvez un jour avec un énorme couteau dans le dos, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est des faux culs parce que la plupart se positionne par rapport à, on va dire, plutôt l'anarchisme de gauche, l'anarchisme de droite, ça dépend, selon les personnalités. Donc, et puis de la libre expression, et en fait, libre expression, mon cul, quoi. Alors, on parle de Philippe Val, le mec, il a passé sa vie à faire la promotion de la loi Guesso, la Charlie Hebdo, ils ont fait leur beurre aussi sur tout un tas de lois anti-liberté d'expression, quelque part, qui validaient tous. C'est-à-dire que liberté d'expression, qu'on est d'accord avec eux. Mais sinon, c'est, attention... incitation haine raciale, des trucs comme ça, quoi. C'est des faux culs, c'est des gros faux culs. Oui, oui, puis c'est des chiens de garde du système. Je crois que c'est Caroline Forest qui, quand Montagnier avait... Moi, j'ai fait une connexion avec un autre sujet dont on reparlera peut-être tout à l'heure, mais oui. Il avait parlé de... Comment ça s'appelle du virus qui était manipulé, selon lui. Il avait validé des études indiennes, c'était au mois d'avril, et il a confirmé ses propos récemment. Mais quand il avait dit ça au mois d'avril, je crois que c'est Caroline Forest qui avait sorti un papier... Le naufrage scientifique du professeur Montagnier, il fréquente le professeur Joyeux, l'extrême droite catholique et tout ça. Alors quand il s'agit de... Vous avez un gars qui est prix Nobel qui sort un truc, alors là, vous avez les gens de Charlie Hebdo sur la gueule, quoi. C'est vraiment des trucs... Par contre, ils font la promotion de la diversité, etc. Enfin bon, de gens illettrés qui vont venir et qui vont venir peut-être nous égorger, quoi. Bah, ça, c'est très révélateur, ce que tu dis, l'exemple que tu donnes, là. Parce qu'en fait, t'as tout un nid de frelons juifs principalement, hein, et dont tu viens de citer un des noms, la Caroline Forest. Alors, elle n'est pas juive, mais elle est lesbienne, totalement hystérique, hein, totalement hystérique. Bon, déjà, une femme, c'est quand même porté sur l'hystérie. Je dis pas que toutes les femmes sont hystériques, il y a quand même une potentialité latente, j'ai envie de dire. Mais alors, lesbienne, là, c'est signé, quoi. Alors, donc, elle est totalement hystérique et, comme tu l'indiques, elle est devenue entre-temps virologue, hein, visiblement reconnue mondialement. Et elle peut, effectivement, mettre au banc un prix Nobel en disant, voilà, oh le naufrage, et dire, ah bon, Caroline... Et en fait, Caroline Forest, vous allez la retrouver avec Rudi Reichstadt, de son pseudo-observatoire du conspirationnisme, voilà. Évidemment, Tristan Mendès, c'est ça, mais toute une série d'autres juifs de ce genre qui sont... BHL. Non, il est pas... Oui, enfin, il est lié à tous ces gens-là, mais il n'est pas spécifiquement actif dans ce type d'opérations, qui sont en fait des opérations de disqualification de toute parole contestant l'ordre établi. Donc, pour le coup, ce sont vraiment des chiens de garde du système. C'est vraiment leur fonction. Donc, vous allez les trouver dans tel ou tel média, sur tel ou tel plateau de télévision. On les invite, on leur déroule le tapis rouge. Typiquement, une des émissions, c'est, je crois, c'est à vous, avec Patrick Cohen. Je crois que c'est ça le nom de cette émission, me semble-t-il. Alors là, ça, c'est le temple, si vous voulez, de la vérité officielle. Et tout ce qui n'est pas homologué par l'ordre établi est désormais classé dans la catégorie du complotisme, du conspirationnisme. Et c'est une catégorie qui, au fur et à mesure des mois, s'élargit. D'accord ? Et vous avez qu'à remarquer que ça compte, grosso modo, tous ceux que les juifs n'aiment pas. Tous ceux que les juifs n'aiment pas tôt ou tard, finissent dans cette catégorie-là, même quand ils n'ont même aucune activité à caractère antisémite, etc. Parce qu'en fait, l'antisémitisme, c'est pas vous qui vous déclarez antisémite, c'est les juifs qui vous déclarent antisémite parce que vous marchez sur un plate-bande, vous comprenez? Donc quand vous avez le professeur Montagnier qui dit, bah, excusez-moi, là, il y a quelque chose qui cloche, etc. Ah! Bon, il est complotiste, hein, et complotiste, antisémite, c'est plus ou moins la même chose, donc on sait très bien où tout ça va. Et en fait, ces gens sont très actifs, et la matrice originale, c'était Charlie Hebdo, avec Philippe Ball, etc., mais ils sont disséminés un peu partout, et ils font un véritable travail de flicage. De flicage. Donc l'activité de ces gens, ça consiste, mais vraiment, vous avez des cellules juives aujourd'hui en France qui agissent avec la DILCRA, donc le gouvernement, la DILCRA qui est une structure juive, c'est une duplication de la LICRA au sein du gouvernement. Donc maintenant, vous avez un copier-coller de la LICRA au sein du gouvernement qui est financé par l'argent des contribuables français pour faire la police politique en France. Et ces gens-là vont vous dire, voilà, un tel, sur son compte Twitter, il a fait cette déclaration, ça ne va pas. Le compte disparaît. Ah, là, c'est une chaîne YouTube, ça ne va pas. Le compte disparaît. Ah, tiens, il fait de la publicité grâce à ça, il génère des fonds, hop, on le débranche. C'est ahurissant, je veux dire. Et c'est toujours des juifs, systématiquement. Alors vous allez me dire, on part à l'origine des naissances, comment dirais-je, en 2021, et on regardait le panorama ethnique de la France nouvelle, et là j'étais parti sur Fourquet, la recomposition de la France sous l'effet de l'immigration, de la balkanisation culturelle, mais il faut bien comprendre que ce projet, ces gens-là le soutiennent depuis le début, et ils génèrent ses propres contradictions, comme on parlait avec Charlie Hebdo, l'attentat, les frères Kouachi qui finalement se mettent à mordre la main qui les a nourris, et là ils commencent vraiment à s'empêtrer, si vous voulez, dans des contradictions à un niveau tel que la situation devient ingérable, parce que si vous les dites, oui, la liberté d'expression face aux musulmans, n'est-ce pas, pour les tenir un peu en respect, parce qu'ils sentent quand même que dans les populations immigrées, notamment musulmanes, il y a une forme de défiance vis-à-vis de l'influence juive en France, hein, c'est indéniable, hein. Et ça les dérange, et ils veulent cadrer un peu le débat à ce niveau-là. Alors ils disent, oui, liberté d'expression, donc on a le droit d'attaquer votre religion, etc. Et puis quand il y a des mecs à droite qui disent, ah bah nous on aimerait aussi avoir une liberté d'expression, pouvoir quand même critiquer un peu l'immigration. Ah bah non, racisme, là vous pouvez pas vous exprimer, et vous avez Caroline Forest qui se livre à un exercice, mais vraiment digne d'un rabbin d'une yeshiva, hein. Ah oui, mais non, ça n'a rien à voir, parce que voilà, la religion, c'est une... Enfin, voilà, donc j'ai le droit de m'exprimer, de cracher la gueule de tout le monde, d'accord, par contre vous non. Donc la liberté d'expression pour moi, pas pour toi. Ça c'est leur credo. Évidemment, les musulmans, et quelque part, c'est bien fait pour la gueule de ces sales juifs, les musulmans sur Twitter, vous regardez, ils disent « Ah non, tu touches pas à la religion. Tu touches pas à la religion. » Alors, ça, du coup, c'est pas un élan libertaire, hein. C'est clair que c'est un appel de la part des musulmans à moins de liberté d'expression, mais ça se retourne contre les instigateurs de tout ça. Voilà. Et et Fourquet parlait de ça aussi, parce qu'ils font des études d'opinion, et il en a parlé, notamment la question du rapport à la religion. Et ça, il faut comprendre une chose, hein. Ça fait l'unanimité dans la jeunesse française, entre guillemets, musulmane et non musulmane, mais évidemment c'est lié à l'influence islamique, c'est le consensus chez les gens qui ont à peu près 20 ans aujourd'hui, c'est que la loi doit interdire la critique des religions. D'accord ? C'est une opinion archi-majoritaire chez les jeunes de 20 ans. Archi-majoritaire. Et là, y a un retournement complet de 200 ans d'histoire française, quoi, hein. C'est-à-dire que l'ère du Grand Orient de France, l'ère laïcarde, ça c'est terminé. C'est terminé, hein. Dans 20 ans, et je parlais du basculement... C'est tout l'objet du propos de Fourquet qui en parle, hein. Il parle justement de toutes ces questions-là. Il dit qu'il faut bien comprendre qu'on va sur des mutations considérables et qu'il y a toute une série de choses qui ne pourront plus se faire en France. Ça ne pourra plus se faire. Et le cas de Mila, qui d'ailleurs, cette jeune fille qui a été récupérée ensuite par l'écurie Charlie Hebdo via l'avocat de Charlie Hebdo, qui est Richard Malka, d'origine juive aussi. Encore une qui vont pousser au suicide au passage. Hein. Ben voilà. Il y a des redondances. Hein. Il l'encadre. Alors elle avait fait une blague. Mais c'est ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'en fait, la sociologie a profondément changé pour des raisons d'immigration. Et aussi par capillarité, le fait qu'il y a tellement de musulmans dans les classes en France, dans les établissements scolaires, que même les petits blancs, finalement, tombent sous la coupe de ce type d'interdit. ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, en fait, hein, et que une jeune fille comme Mila est totalement marginale. Totalement marginale aujourd'hui, pas du tout représentative de sa génération, au contraire. Et donc voilà, donc, c'est vrai qu'on part sur les naissances de 2021 en regardant les faciès, etc., mais quand on creuse, on voit en fait l'accomplissement d'un projet qui a démarré il y a maintenant pratiquement 50 ans, et dont l'origine est tout à fait identifiée. Mais ce qui est marrant, et comme quoi l'histoire est espiègle, c'est que ces gens-là maintenant se prennent les pieds dans le tapis, quoi. Parce qu'ils sont quand même sur la défensive, hein, c'est un fait. Hein. Vous prenez les gens de Charlie Hebdo, ils ont beau faire des serments et tout sur la laïcité, la liberté d'expression, quand vous intéressez à ce qui se passe, bah, la preuve avec Samuel Paty, ils en ont refait, etc. Ils en ont fait tout un... Mais c'est pas du tout représentatif, hein, je veux dire, le... Parce qu'après la mort de Samuel Paty, ils ont dit que voilà, qu'ils allaient s'engager pour la laïcité, tout ça. Pff, que dalle, hein. C'est... Non, non, hein. Sur le terrain, c'est pas du tout ce qui se passe, et ça va aller de... Bah, ça va être de plus en plus... Enfin, les musulmans vont se durcir de plus en plus. Je pense que dans l'émission, peut-être j'en termine, j'avais cité, je crois, une étude d'opinion, je pense qu'on en avait parlé, une étude d'opinion qui avait dû être réalisée par l'IFOP, je crois. Je crois que c'était cet institut de sondage sur les musulmans de France, donc qui aujourd'hui représentent 20% des naissances, peut-être même plus. Quelle était leur opinion sur toute une série de sujets. Et ben, chez les 15-17 ans, il faut comprendre que 75% de ces jeunes-là, donc des nouvelles générations, veulent l'instauration de la loi islamique, de la loi coranique. Ce qui n'est pas le alors que c'est pas majoritaire chez la génération précédente. Même s'il y a une minorité qui est assez forte, ils ne sont pas majoritaires. Chez les 15-17 ans, c'est archi-majoritaire. Donc on va vers de grands basculements. Donc je vous dis, hein, Charlie Hebdo, tout ça, là, c'est terminé, hein, c'est fini. Enfin, Charlie Hebdo et tout le discours officiel là-dessus, quoi. Donc le poisson est en train de crever sur la berge, là. Hein. Le poisson de la République laïque, tout ça, ça c'est en train de crever, hein, ils sont en train de crever. Hein. C'est les boomers qui sont en train d'agoniser, là. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus, sur ce virage générationnel et racial. Peut-être, peut-être pas. Non ? D'accord. Écoutez, messieurs, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de notre émission qui va se focaliser sur la situation politique liée au Covid-19. Situation qui s'empire, comme nous allons en parler. À tout de suite, chers amis. Шрамы на сердце оставится, как сто раз. Nous revoici pour la deuxième partie de Démocratie participative, saison numéro 6, premier épisode. Alors messieurs, c'est la nouvelle année. Alors j'ai une question à faire, un petit tour d'horizon avec vous, sans trop me donner de détails personnels bien évidemment, mais ce réveillon a été, je pense, unique en raison des circonstances, puisque, grosso modo, il était interdit de faire de rassemblements familiaux réels, pas le droit d'aller dans des bars, pas le droit, en fait, pas le droit de faire la fête, tout simplement. Hein. Alors du coup, comment ça s'est passé pour vous, ou quelle est l'observation que vous voulez en faire sur cette espèce de nouvel an sinistre, là, qui est aussi, comme annoncé, hein, l'an 1 de cette nouvelle RDA sanitaire dans laquelle on plonge. Qui veut peut-être me dire deux, trois trucs là-dessus, sur ce nouvel an particulièrement glauque? Tiens, vas-y, Diabolix. Ayant la chance de vivre dans un pays libre, ben, ça s'est passé comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés entre voisins, dans la rue, avec des bouteilles de champagne, à tirer nos feux d'artifice respectifs. Mais c'est clair que ceux qui effectivement vivent dans cette merveille hexagonale, ou belgienne, si on peut l'appeler comme ça, je leur souhaite bien du plaisir. Avaient-ils leur petit pyjama rayé? Oui, il y a des gens qui mériteraient un pyjama rayé, indiscutablement. Qui d'autre sur cette ambiance ambiance rideau de fer. Je trouve qu'il y a une ambiance rideau de fer. Eh bien, moi je dirais pour ma part, ça a été nickel. Comme tous les ans, j'ai fait la grosse chouille chez un ami. On était nombreux, donc j'ignorais qu'il y avait j'ignorais la règle du nombre de personnes limitées, enfin s'il y en avait une. Ah ouais, tu savais pas? J'ai dû en entendre vaguement parler, mais je regarde même plus en fait les restrictions. Ça me passe au-dessus, quoi. Je sors déjà peu de chez moi. Mais bon, là, j'en ai profité. Et puis, apparemment, il n'y avait pas de blocage ni rien. Mais après, un petit détail quand même qui m'a fait marrer, c'est que à l'approche de, alors moi, je suis arrivé un tout petit peu avant 20h, du coup, chez la personne qui nous invitait. Sur toute la dernière heure, les gens sur la route, par contre, roulent comme des psychopathes, en fait. Ça, c'est un détail intéressant. Les gens sont, sur les routes à 90, par exemple, les gens sont, de temps en temps, ils sont, ça frôle le 130, quoi. C'est n'importe quoi, grâce au couvre-feu, du coup, qui s'achève qui commence à 20h, justement. Donc, les gens roulent comme des psychopathes sur la route, en fait, au fur et à mesure de l'approche de 20h. Donc ça, c'est intéressant. Ah oui, j'ignorais ce phénomène-là. Je l'ignorais. Ouais, moi j'ai constaté la même chose, effectivement. Ça roule vite. Quand t'as un piéton, en plus, c'est un peu embêtant. Ouais, tu maintenant, c'est 18h dans certains coins. Oui, maintenant, ils viennent de le passer à 18h. Oh, non, putain, mais c'est... Non, mais c'est un pays occupé, quoi, c'est clair. C'est un pays occupé. Bah, je veux dire, le couvre-feu, c'est une mesure de guerre. Ouais, exactement, fait, on est en guerre comme ça, Macron. Ça n'a absolument aucun rapport avec une pandémie, hein. Je veux dire, réveillez-vous. Hein. Macron nous l'a dit, nous sommes en guerre. Il se trouve que l'ennemi, c'est le peuple. Mais bon, ça, c'est un petit peu original. Ouais, mais en disant que c'est un virus. Le peuple serait-il un virus aux yeux des élites? Encore moins qu'un moustique, oui. Mais c'est possible, tellement ils sont méprisants. Ça, en tout cas, aux yeux des juifs, c'est indubitable. Hein. Mais moi, je pense que le vrai virus, c'est les juifs. Hein. Je me permets de le rappeler. Quand même. Oui, donc ambiance sinistre. Du coup, en fait, vous êtes tous collectivement restés chez vous. Enfin, sauf donc Merlin qui a été voir des amis. Non. Moi, je suis sorti, mais bon, après, c'est pareil. Heureusement, j'avais mes amis qui habitaient pas loin, donc. J'ai pas trop testé de traverser en plein centre-ville, mais j'ai quand même violé le couvre-feu. Il y a un côté de traverser de Paris quand même. Ça devient. Bah oui, c'est ça. Ouais, tu sais pas si tu vas pas te faire gauler par un espèce de maton qui traîne par là et qui touche une prime à chaque amende, quoi. Ouais. Et moi, c'était assez drôle parce que je coupais à travers la campagne sur peut-être 40 bornes. Et les gens roulent comme des psychopathes. On aurait dit qu'il y avait Godzilla qui était pas loin ou un tsunami en arrivée. Enfin, en approche, quoi. Donc, ça disait sur des routes de campagne, mais c'est de la nationale quand même ou c'est de la départementale? Enfin, c'est des petites routes, c'était comment? Je regarde pas, mais oui, t'as les deux en fait. Plus de la départementale, j'irais quand même. Ouais, donc des gens qui roulent comme des dingues sur des petites routes, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça roule à fond, quoi. Alex, comment... alors, je sais pas si tu as envie de me parler de ton nouvel an, mais ce nouvel an, Champs-Élysées vide, hein, je sais pas si vous avez regardé, on est passé dans autre chose, quoi, à mon avis. Hein. On est basculé très clairement dans autre chose, et je sais pas si les gens en ont conscience, mais... Il n'y a pas de... Enfin, du point de vue du système, il est compris qu'il n'y a pas de retour en arrière. Hein. Et le nouvel an, on nous a bien fait comprendre qu'on ne faisait pas qu'entrer dans une nouvelle année, on entrait dans un nouveau système hein, en tant que tel. Alors, qu'est-ce que tu veux m'en dire, Alexis? Ta soirée, elle a été palpitante, elle a été comment? Non, c'était très très calme de mon côté. Je ne suis pas un grand fan du nouvel an en général. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient sortis quand même à l'extérieur pour tirer quand même quelques feux d'artifice. Mais oui, après avoir vu les images sur les Champs-Élysées, on voit bien que il y a un basculement. Je pense que les autorités voulaient marquer le coup au-delà de toutes les questions sanitaires, puisque le vrai chiffre quand même, c'est le nombre de morts. Donc, semble-t-il, en 2020, bon, c'est très triste. Il y a toujours évidemment des gens qui meurent, mais pas davantage qu'en 2019 sur une population quand même de 67 millions d'habitants, 600 000 et quelques, donc toujours à peu près la même chose, même un peu moins en 2020 qu'en 2019. Bon, mais par contre, ça justifie quand même le fait de boucler totalement les Champs-Élysées, les villes, de changer nos habitudes, de se retrouver en petit comité de façon, si on veut respecter à tout prix les règles, bien sûr. Donc c'est évidemment, du point de vue en tout cas médiatique, officiellement, on est entré dans une nouvelle ère, effectivement. On va pas dire qu'en tout cas c'était un nouvel an joyeux. En tout cas, bon, l'ambiance est au contrôle des populations, résolument, des mouvements. Hein, il n'y a plus grand chose qui est toléré. Et alors, j'ai relevé ça dans la presse alsacienne. C'est une déclaration de la préfète. Je vous lis ça. Alors, pour la préfète, donc c'est dans les dernières nouvelles d'Alsace. Pour la préfète du Grand Est et du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, les voisins qui appellent la police pour signaler des rassemblements festifs avec de trop nombreux participants ne sont pas des délateurs. Je remercie ces personnes qui sont responsables, estime la représentante de l'État. Ceux qui font un business de ces fêtes, c'est tout bonnement honteux. Et ceux qui ne respectent pas les limites imposées par l'épidémie de Covid sont des irresponsables. Car après, on voit les conséquences. Ces fêtes sauvages sont des clusters potentiels qui vont diffuser le coronavirus et, après quelques jours, encombrer les hôpitaux. Pour ma part, j'encourage les personnes à appeler le 17 si elles constatent des nombres anormaux de personnes réunies ce soir-là. Qui faisait notamment mention du Nouvel An. Donc il y a des appels actifs à la délation, hein, si vous franchissez la limite du nombre de convives, ça c'était pour le Nouvel An, mais un nombre anormalement élevé de personnes, donc en fait vous n'avez pas le droit d'organiser de petits rassemblements, même voilà. Donc vous pouvez, enfin l'État maintenant encourage activement Alors, ce qui est une délation, je ne sais pas quel terme elle va employer, mais enfin bon, il y a une dénonciation, c'est un appel à la dénonciation. Et là, voilà, la police est censée intervenir. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est suivi des faits, mais enfin, le principe est vraiment admis, revendiqué. Jusqu'à présent, ce n'était pas tout à fait le cas. Pour une raison simple, hein, c'est pour un gouvernement mettre en place une politique de délation systématique, ça laisse un arrière-goût dans la bouche qui n'est pas forcément très agréable. Donc, il était quand même assez prudent à ce niveau-là, en termes de communication, tout du moins. Bon, bah, les choses ont changé, hein. Maintenant, on a les représentants du gouvernement, par la voix des préfets, qui appellent vraiment à dénoncer ses voisins. Bon, c'est une drôle de société, hein, je vous avouerai, mais bon, voilà, on y est. Est-ce que, alors, soit là-dessus, soit dans le même genre, est-ce que vous voudriez commenter? Oui. Avis aux délateurs patentés, si jamais il y en a qui nous écoutent. On est en 2020, on est à l'ère de l'informatique, on est à l'ère du fichage. Bon, tu fais ton devoir citoyen, toi tu es un honnête gars, évidemment tu n'as absolument rien à te reprocher. Tu vas dénoncer un tel ou un tel. Ça risque de laisser des traces. Alors, je dis ça, je dis rien, mais est-ce que tu as pensé au fait qu'en cas de changement de régime, on va pouvoir te retrouver, enculé? Voilà. Donc réfléchis pour une fois dans ta putain de chienne de vie. Réfléchis bien. Voilà. Petit coucou à la plateforme Pharos. Ouais, non mais c'est juste ce que tu dis, je veux dire. Il y a maintenant au départ, c'était des petites initiatives. Genre le gouvernement met en place une ligne pour se plaindre, je ne sais quoi quoi. Et maintenant, tu as Pharos qui est un projet en fait gouvernemental qui prend une ampleur complètement inédite, qui est chapeauté par la DILCRA, hein, c'est vraiment la police politique. Le mot n'est pas faible, hein, n'est pas trop fort, je veux dire. C'est vraiment la police politique. Hein, vous signalez au gouvernement qu'il y a un propos qui vous déplaît. Alors évidemment, moi, je lis beaucoup de propos qui me déplaisent, mais si je fais appel au gouvernement, vous pensez bien que je tomberai sur une oreille fort peu attentive, hein, à mes doléances, ce qui n'est pas le cas pour toute une autre série de gens, et il est bien entendu que c'est uniquement certaines personnes qui peuvent bénéficier de ce type de possibilités de dénonciation, entre guillemets. Et quand on fait le lien avec cette histoire-là de Covid, où tout d'un coup, l'État a dit « N'hésitez pas à nous contacter pour dénoncer vos voisins, ça vous... » On voit bien qu'on rentre dans un schéma qui est fait pour durer. C'est très clair que on nous dit pas, mais rassurez-vous, hein, c'est juste temporaire, c'est pour 3 mois, et puis ensuite, on nous fait bien comprendre que la dénonciation, c'est quelque chose qui a vocation à s'institutionnaliser, qui bénéficie du soutien du gouvernement, et qui peut viser toute une série de personnes. Hein. Donc là, c'est pour le Covid, ça peut aussi concerner tel ou tel propos tenu sur Internet, ça, mais grosso modo, voilà, on est maintenant à fond là-dedans. Et t'as raison, Poro, hein, faut faire attention avec ce type de truc, parce que, en général, hein, les dénonciateurs appartiennent quand même à une catégorie de la population qui est universellement honnie. Hein. C'est des gens qui finissent mal, hein, je veux dire. Oui, historiquement, ils finissent mal. Hein. Ouais. Enfin, vous, voilà, c'est très courageux de votre part, parce que en cas de changement de régime, vraiment, vous risquez gros, quoi. Qui d'autre là-dessus, est-ce que Pierrot ou d'autres personnes ont quelque chose à voudraient réagir? Ouais, juste rajouter quand même que la population là qui assiste au rave party, ouais. C'est des jeunes qui ont moins de 30 ans, donc en termes de stats, il y a 0,01% de chances qui crèvent du Covid, malgré les chiffres trafiqués, d'accord? Donc ça, c'est bien sûr une excuse pour mater la rébellion, prendre un peu de pognon et faire une opération de com'. Hein, ces gens-là, ils n'étaient pas en danger de mort. Voilà. Oui, d'ailleurs, j'ai vu les propos complètement délirants du RN, des officiels du RN, Gilbert Collard. Ah bah, il valide, hein. Ah oui, non, mais même, ils disent, mais que, enfin, c'est quand même fou. Là, moi, je vois une nouvelle ligne de fracture, enfin, une nouvelle, elle n'est pas nouvelle, mais elle se clarifie de plus en plus. C'est une ligne de fracture, en fait, qui traverse tous les partis politiques, qui ne se dit, qui ne se, qu'on ne peut pas, si vous voulez, borner sur le clivage droite-gauche. Ce clivage n'est clairement pas opérant. Enfin, il était déjà plus opérant, mais alors là, il devient vraiment obsolète. Et le RN qui se positionnait comme parti, on va dire, populiste, de contestation du système et tout, là, ils sont devenus l'aile extrémiste de La République En Marche. Je ne peux pas décrire le Rassemblement National aujourd'hui autrement que comme ça. C'est devenu l'aile extrémiste de La République En Marche. Tout ce que le gouvernement prétend faire, le RN affirme pouvoir le faire, mais mieux. Donc la vaccination, on va la faire plus efficacement. Le confinement, on va le faire plus efficacement. Ah, des jeunes se rassemblent pour faire la fête avec les débordements habituels d'une fête, quoi. Mais il faut déployer la police, il faut réprimer, il faut de la tôle, etc. Enfin, je veux dire, et Gilbert Collard, il disait, mais attendez, vous vous rendez pas compte, les gens sont... Ces gens, mais il accusait carrément les jeunes en question d'être des assassins. Il disait qu'ils vont tuer des gens avec un virus. Enfin, de la folie furieuse. Et voilà. Gandalf. Notre illustre professeur Forisson avait parfaitement résumé la situation en disant « Oui, monsieur Gilbert Collard avec deux N. » Non, mais c'est... Voilà, alors bon, déjà que Gilbert Collard, on connaît ses positions, mais je veux dire, le RN reprend totalement à son compte le discours officiel sur la pseudo-menace du Covid, premièrement. Il n'y a que Florian Philippot, en fait, qui conteste la réalité matérielle de la dangerosité de ce pseudo-virus et qui pose toute une série de questions sur les véritables intentions qui sont derrière. C'est le seul homme politique, je veux dire, qui est connu, qui questionne le discours officiel et le récit de ce qui se passe qui en est fait par les médias. C'est le seul. Attends, il n'y a pas François Asselineau aussi? Peut-être, ouais, mais moins. Mais un peu aussi, mais moins. On a dit connu. Ah, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. Oh, vous connaissez l'UPR, quand même. Tu voulais dire Françoise. Oui, mais... Non, mais c'est... Ah bon, c'est... Il a fait un changement de sexe pour gratter 0,2%. Bah, ça doublerait son score. Les deux sont pédés, hein. Oui. Il y a... Bah, ça, c'est le théorème sur le souverainisme. Il y a un truc qui se passe là, à ce niveau-là. Mais comment dire Asselineau est pour la pédérasse, c'est bien connu. Oh, beau mot. Enfin, en tout cas, c'est le... Donc, Florent Philippot est le seul qui met un peu les pieds dans le plat, qui bronche. Sinon, tous les autres, non. Et le RN, eux, ils achètent tout. Ils disent, ouais, le Covid, c'est super mortel, on va tous mourir. Il faut vacciner tout le monde. Absolument. Macron est incompétent, nous, on va piquer tout le monde. Enfin, c'est du délire. Et la Rombière, là, après avoir péniblement décuvé de son nouvel an, nous a fait un truc, enfin une nouvelle déclaration en disant qu'il était temps de taper du poing sur la table. C'est incroyable. Mais c'est magnifique parce que ces gens-là confirment qu'on a raison. Ça fait quelques années là qu'on a commencé à leur dégueuler dessus. Et ben voilà, il reste plus rien dans ce parti, plus rien du tout. Donc vraiment. Même pas l'immigration d'ailleurs. Je crois que c'est clair. On a été visionnaire vraiment. Laissez tomber le FN, hein. N'allez pas voter, faites un barbecue, jouez aux billes, mais laissez tomber, quoi. J'aimerais pas passer pour un antifa, mais abat le FN. Est-ce que vous avez entendu parler de Marine Le Pen en 2020? Enfin, complètement inaperçue, quoi. Transparente. Qu'est-ce qu'elle fait? Transparente. Bah, je tiens quand même à... Transparente qu'une bouteille de vodka. Je tiens quand même à rassurer les auditeurs, parce que moi j'ai une info sur Marine Le Pen qui peut être passée un peu inaperçue. C'est tombé au moment de Noël. En fait, elle est diplômée maintenant. Voilà, donc, elle a des lunettes. On savait qu'elle était intelligente parce qu'elle a des lunettes. Et maintenant, elle a un diplôme de truc pour s'occuper des chats. Un diplôme machin, option chat. Donc on se foutait de la gueule de Marine Le Pen avec ses chats, mais maintenant, La réalité elle a, dépasse elle, la fiction. Elle a eu un diplôme de femme à chat. Elle prépare la reconversion. Non, mais ne rigolez pas, c'est vrai, elle a fait un stage de formation, je crois, pour, je sais pas quoi, enfin, pour s'occuper des chats, je crois, mais je sais plus comment. J'ai pas la définition. Attends, je t'en trouve ça. Ouais, ce serait bien d'avoir la définition technique, mais elle a fait son diplôme et tout. Je sais pas si vous imaginez les préoccupations de la leader, hein, du soi-disant principal parti d'opposition en France. Elle a folle à chat, quoi. Non, mais c'est une caricature. C'est... Au contraire, c'est bien joué. Elle calcule parfaitement son coup. Parce que la mère Bardot va bientôt caner de vieillesse. Il y aura une place à prendre. Non, bah, la mère Bardot, elle était belle à un moment donné de sa vie. Alors que la mère Le Pen, bon, c'est pas ma cam, quoi. Donc Marine Le Pen a été diplômée de la SACED. Attends. L'attestation de connaissance pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques, pardon, option chat. C'est pas une vanne, hein. Voilà, elle a passé 3 jours à étudier les chats et elle a eu un diplôme. Voilà, donc elle s'occupe des Français. Non, mais c'est un sketch. C'est une. La... Ouais. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est plus par incompétence ou parce qu'ils ont été achetés qu'ils tiennent un tel discours, hein, Marine Le Pen en. Pendant l'été, déjà, elle avait demandé la vaccination de force pour les gens âgés contre la Covid, alors qu'il n'y avait pas encore de vaccin sur le marché. Bon, elle avait dit ça. Sur le passeport vert, donc il y a Philippot, comme Valf l'a rappelé, qui dit des choses intéressantes, évidemment. Martine Vonner aussi, qui était députée En Marche au départ, qui a fait sécession, là, qui a participé à Hold Up. Et puis, alors, Marion Maréchal était sortie du bois un petit peu sur Twitter pour dire non au passeport vaccinal, etc. Et là, c'était Véran qui a dit non, le passeport vaccinal, c'était un très vague projet, mais c'est la polémique est venue d'une députée du Front National, donc il avait cité. Mais on a l'impression que c'est le sparring partner, un petit peu, quoi. C'est l'adversaire facile à battre, quoi, que l'on. Et moi, je pense qu'il y a, bon, Marine Le Pen, on sait que son niveau intellectuel est modeste, hein, semble-t-il, mais, il y a des gens autour d'elle qui savent des choses, hein. Hervé Juvin, par exemple, bon, qui, dans l'émission avec Charles Gave, qu'il a faite, bon, bah, il a bel et bien parlé de toutes les plaintes pénales pour crimes contre l'humanité qui existaient contre la fondation Bill et Melinda Gates. Et donc, à mon avis, et Juvin est une des personnes les plus proches d'elle dans le cadre du parti, en tout cas. Donc, elle sait des choses, mais à mon avis, ils ont été achetés. Enfin, je pense qu'il y a des valises de pognon qui ont dû circuler sous la table. Et Mélenchon, d'ailleurs, non plus, ne dit rien sur le Covid. Hein. Ouais. Fillon non plus. Je pense que là, on a bon Philippot, il a des qualités, bien sûr, de communication et tout ça. Je pense qu'il y a une certaine sincérité en ce moment, mais bon, politiquement, malheureusement, il pèse pas grand-chose et Asselineau non plus. Ça me fait un peu de peine parce que c'est ils disent quand même des vérités en ce moment. Bah oui, non, mais c'est moi. Tu dis ouais, est-ce qu'ils ont été achetés? De toute façon, ils ont une épée de Damoclès judiciaire au-dessus de la tête. Le Rassemblement National est un parti qui est en faillite. Et Macron en a besoin pour en vue de 2022, si tant est qu'il y ait des élections, etc. Bon. Parce qu'ils sont foutus de les décaler, ou que c'est. Enfin bref, trouver un prétexte pour pas qu'elles se tiennent. Mais peu importe, il est clair que Macron a choisi le Rassemblement National comme tu l'as très bien dit, comme sparring partner. Mais et clairement, Marine Le Pen et sa formation politique sont dans une logique, j'allais dire, d'extrémisation de la ligne suivie par le système. Donc il n'y a plus d'opposition politique en France organisée au système. Il n'y en a plus, d'accord ? Le RN n'est plus un parti anti-système. C'est un parti qui aujourd'hui, comme je l'ai dit, est la version radicalisée du système. Et pour moi, c'est une ligne de crête. Là, sur cette histoire de Covid, là, il faut les camps vont se définir. C'est-à-dire que soit vous marchez dans l'arnaque, enfin dans cette pseudo-pandémie totalement montée par les médias, Big Pharma, Bill Gates, enfin tous ces grands oligarques, la BCE et compagnie, qui a en réalité un projet dont on a parlé, bon, la grande réinitialisation ou le Great Reset, selon qu'on veut l'appeler. Bon, ces gens ont un projet et le virus, c'est l'écran de fumée qui permet de terroriser tout le monde jusqu'à la soumission complète pour parvenir à cet objectif à moyen et long terme qu'ils ont arrêté entre eux. Bon, à un moment donné, il faut le dire. Bon, bah, Florian Philippot le dit, mais tu as bien raison de dire que son poids politique est pratiquement insignifiant aujourd'hui. Même s'il dit la vérité, ça n'a pas d'impact. Or, jusqu'à une date pas si lointaine, le RN était censé, jadis le FN était censé être le parti anti-système, le parti qui était diabolisé en raison de choses qui disaient, qui rompaient l'harmonie du discours officiel. Et bah, c'est plus le cas. Cette histoire de Covid là, qui a débuté au mois de mars dernier, a totalement clarifié le truc. Même si on savait, même s'il y avait des signes annonçateurs, mais s'il y a des personnes qui ont parlé de ça depuis des années. Les masques tombent, j'ai envie de dire. Ouais. Hein, après le PS, après l'UMP, là, Rassemblement Républicain, bah, voilà, le FN aussi, le masque tombe. C'était une coquille vide depuis le départ. Ouais. Et maintenant, on est clarifié, mais c'est vrai que maintenant, on est là, les gens, c'est ça que je veux dire. C'est comme il n'y a plus de relais au niveau, c'est-à-dire des partis organisés qui sont susceptibles d'avoir des élus, etc. Il ne reste que la population. En tout cas, la partie de la population qui est lucide sur ce qui se passe et qui veut, elle, défendre ses libertés naturelles. Ce sont des libertés fondamentales. Moi, je suis désolé, hein, la liberté d'aller et venir, c'est pas un privilège qu'on vous accorde. D'accord ? Voilà, sortir chez soi... acheter son pain, ça non, il n'y a pas de nécessité de demander une autorisation au préfet. Et c'est ce qui se passe. De la même façon, se rassembler pour voir des proches au Nouvel An, etc. Interdire. J'ai vu des trucs absolument atroces qui sont en train d'organiser dans les EHPAD, dont on parle très peu. Ils disent, j'ai vu ça sur Twitter, hein, c'était quelqu'un qui avait son père en... Non, sa mère en EHPAD, 90 ans. Alors, vous savez, ils sont en train d'essayer de les vacciner, là. Alors, ils disent aux anciens... qui sont dans un état de fragilité, forcément, quand vous n'en êtes pas, dans un état de fragilité, hein, forcément, 90 ans, bon. On leur dit, bah, madame, vous avez le choix hein, de ne pas vous faire vacciner, par contre, si vous refusez de vous faire vacciner, vous ne pouvez plus sortir dans le couloir, vous ne pouvez plus participer aux activités collectives, vous ne pouvez plus manger dans le réfectoire, etc. Vous vous rendez compte, ils sont en train de dire à des vieux de 90 ans qu'ils vont les laisser mourir entre quatre murs s'ils refusent de se piquer avec le vaccin juif de Pfizer sur ordre de Macron. Vous imaginez, vous avez 90 ans, vous savez que vous n'en avez plus pour longtemps, parce que les anciens, ils sont lucides quand même sur la situation. Et ils veulent quand même partir dans des conditions décentes. Autant que faire se peut dans ce type d'établissement, hein, parce que c'est quand même pas... Mais bon, ils veulent quand même pouvoir interagir avec les gens. Non, on les menace carrément d'internement. On leur dit, vous allez être mis à l'isolement, comme un détenu, des gens de 90 ans. C'est ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui aux vieux. C'est ahurissant ce qu'ils sont en train de faire. Tout ça se passe dans un silence absolu. Il n'y a aucun média qui est en train de... Ben là, les journalistes, là, vous voyez la classe journalistique, qu'elle vaut. Hein. Là, vous les voyez à l'œuvre. Hein. C'est-à-dire que ce sont vraiment des tapins jusqu'au bout qui auront vraiment trahi surtout pour le compte du système. Hein. C'est pour ça qu'ils ont été prendre leur chèque là, il y a 2-3 mois. Là, ils ont demandé une rallonge de 600 millions d'euros. Bon, bah, vous avez compris d'où ça vient. Hein. Et pourquoi ? Ils ont été mendiés à l'Elysée, là, la fameuse presse indépendante qui dit la vérité sur tout, là, qui fait du fact-checking, comme ils disent, et qui dénonce le complotisme des uns et des autres. Bah, ils sont partis prendre un chèque chez Macron. Hein. Et bah, ils ferment leur gueule sur tout ça. Donc voilà, et ça, c'est en ce moment. Et là, on parle de liberté fondamentale. Je suis désolé, moi, je suis pas un anarchiste, mais là, c'est pas de ça dont il s'agit, quoi. Ce qui me frappe quand même, hein, c'est à quel point les gens se soumettent à cette véritable politique de terreur gouvernementale. Parce que quand on déploie des centaines de milliers de flics pour menacer les gens, etc., moi je suis ou quand on arrive chez eux, on les interpelle, etc., parce qu'il y en avait 7 au lieu de 6. Il y avait 7 convives au lieu de 6. Enfin, je vois pas de protestation, malheureusement. Même si je vois un fort sentiment de mécontentement émerger sur Internet. Enfin, les gens expriment leur opinion, quoi. On voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui saturent, mais il y a encore trop de gens qui croient à cette escroquerie, quoi. Qui croient qu'on va mourir demain du Covid, quoi. Il y a beaucoup de gens qui croient encore à ça. Vas-y, Alexis. Oui, pour revenir un petit peu sur Marine Le Pen, rester en même temps sur la même thématique. Alors justement, j'ai vu sur le Twitter de l'inénarrable Laurent Alexandre, là, le si sympathique docteur qui veut vacciner tout le monde de force, hein, qui parle de transhumanisme et tout ça, il a fait un classement il y a quelques jours là des politiciens qui, selon lui, s'étaient bien tenus, dans le, il donne des médailles à tout le monde, hein, le gars, Il s'était bien tenu dans le cadre du Covid-19 et il avait mis parmi les premiers, voire même la première, Marine Le Pen. Il avait dit que Marine Le Pen n'a cédé à aucune théorie complotiste, à l'inverse de l'ignoble Florent Philippot, etc., bon, qui était évidemment dans le fond du classement établi par Laurent Alexandre. Donc c'est pour voir certaines nouvelles connivences qui existent. Oui, il y a des gens qui valident, je reviens un petit peu là-dessus, mais Marine Le Pen, quand elle a parlé du Covid-19, elle a dit, bon, il faut quand même le reconnaître, bon, il faudrait réouvrir les restaurants, mais elle dit, souvent d'ailleurs avec un masque sur la gueule, elle porte le masque même pour faire les interviews de radio, qui prouve bien qu'elle valide totalement le truc, dans le strict respect des conditions sanitaires. Donc elle valide le fait qu'on doit toujours se positionner vis-à-vis du Covid et que c'est pas du tout hyper exagéré. Donc elle se dit peut-être, bon, là, il y a 700 000 personnes qui ont perdu leur emploi, il y en a peut-être quelques-uns qui vont voter pour moi. Bon, je vais quand même dire un petit peu sur les restaurateurs quelques mots pour que, comme ça, je me rende sympathique. Enfin, on est dans le calcul de bas étage, mais alors là, autant Macron et sa clique sont d'une inhumanité totale, comme tu l'as dit, en voulant vacciner des personnes âgées qui, normalement, de toute façon, qui servent de cobayes en ce moment. Et il y a l'inhumanité également d'une pseudo-opposition qui va également à la gamelle. Hein, et bon, c'est inquiétant tout ça. Bah, surtout que c'est même pas leur électorat naturel. Enfin, qu'est-ce que cette espèce de gourde quinquagénaire tabagique à matrice de chat, qu'est-ce que cette gourde pense que la grosse bourgeoisie des centres urbains macroniste va voter pour elle? Mais son électorat naturel, ce sont justement tous ces indépendants. L'électorat jadis de Poujade, d'ailleurs, je veux dire, du Sinudati, etc., si vous connaissez. C'est ça la base de son électorat naturel, normalement. D'accord ? C'est des petits commerçants, des petits entrepreneurs qui sont impactés par les mesures de restrictions hallucinantes qu'on voit, organisées par l'État, mais en concertation, évidemment, avec... toute une série de cercles internationaux dont on a parlé, mais je veux dire, c'est même pas brillant politiquement. C'est-à-dire que là, elle devrait avoir une position de défense des libertés économiques en disant voilà, attention, on va mourir guéri. On va mourir guéri. Vous voulez détruire l'économie du pays pour empêcher quelques dizaines de milliers d'octogénaires de mourir. Bon, évidemment, il faut tourner ça de manière un peu plus diplomatique, évidemment, pour les besoins de la communication. Mais elle peut très bien se faire comprendre, sans se faire accuser de complotisme, en mettant dans la balance ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la destruction de l'économie réelle qui est voulue, en réalité. Hein, parce que l'idée de l'oligarchie, c'est vraiment d'en finir avec les acteurs économiques indépendants, hein, ça c'est l'objectif. Hein. Ils veulent des espèces de méga groupes avec des antennes logistiques un peu partout qui fourniront aux gens ce dont ils ont besoin. Voilà, ils vont se débarrasser de tout le reste. Hein. C'est ça vraiment l'objectif. C'est la mainmise totale sur toute l'activité économique du pays, écarter totalement les indépendants. C'est en tout cas leur projet, quoi. Et il y a rien. Donc c'est même pas intelligent politiquement et électoralement. C'est même pas intelligent. C'est même pas intelligent. Et ensuite, en ce qui concerne la crise économique, là, je m'intéressais un peu aux chiffres qui circulent. Alors, je voyais ça parce qu'ils ont fait quelques grands titres là-dessus. Ah, le nombre de faillites a reculé par rapport à 2019. Oui, mais attention, il ne faut pas se laisser avoir par ce genre de titres. Quand vous creusez un peu, qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez en réalité qu'à cause des aides temporaires, en fait, on a mis ces entreprises sous respiration, sous aide respiratoire, si vous voulez. Donc, il y a un effet visuel de maintien en vie des entreprises, mais en réalité, dans les mois qui viennent, quand toute une série de dispositifs d'aide financière vont être suspendus, vous allez voir les faillites arriver en cascade. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Donc, et qui va parler de ces gens-là? Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'il faut quand même comprendre ça, vous avez des gens qui créent des entreprises, ces entreprises familiales, ces entreprises qui existent parfois depuis 3-4 générations, dans certains cas. Et tout ça est détruit par les mesures complètement ahurissantes qui sont en train d'être décrétées, dictées, par Ceausescu depuis l'Élysée. Encore que le bilan de Ceausescu est peut-être plus brillant que celui de Macron par certains égards. Mais bon, mais c'est ahurissant, je veux dire, quand même. C'est ahurissant. Et c'est fou, mais on ne parle pas des conséquences économiques réelles, ce qu'ils sont en train de détruire en ce moment. Voilà, oui, il y aura un peu de chômage, oui, voilà. Ah non, les dommages infligés sont durables, durables. Bon. Bref, donc voilà, donc bon, délation, on en a parlé. Donc les vieux dans les EHPAD, on les terrorise pour qu'ils se piquent, hein, servir de cobayes. Bon, c'est fin de vie offerte par La République En Marche à la population française. Projet un peu étonnant. On a parlé de Marine Le Pen, hein, de son numéro médiatique là, qui la rend. L'extrême droite anti-complotiste, hein, la marque des enculés. Tout à fait. Bon, voilà, on voit quand même les pions se mettre en place, et je vous dis, les lignes vont se clarifier. Je crois qu'on va se retrouver à côté de personnes dont on n'aurait pas cru pouvoir se retrouver. Mais c'est ce qui va se produire à l'évidence, quoi. Il y a une petite lueur d'espoir quand même. Ça, c'est un chiffre qui a fait vraiment flipper le gouvernement. Ils sont en panique, d'ailleurs. Vraiment, hein, au niveau à l'Élysée, ils paniquent en ce moment, à cause de ça. Alors, c'est BFM TV qui en parlait. Alors, c'est relatif à l'état de l'opinion par rapport au vaccin. Qui veut se faire vacciner, qui ne veut pas se faire vacciner. Alors, les enquêtes d'opinion montrent, en fait, que de moins en moins de gens veulent se faire vacciner. Il y a une réelle défiance de l'opinion publique française face à la vaccination, qui s'explique. Je vous lis l'article, puis on en parle. Donc, seuls 40% des Français interrogés par Santé publique France disent vouloir certainement ou probablement se faire vacciner contre le coronavirus. C'est 13 points de moins qu'en novembre. C'est une valeur qui a de quoi inquiéter à deux jours du démarrage de la campagne de vaccination contre le coronavirus en France. Donc, selon le point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France publié jeudi soir, les Français sont de plus en plus frileux à l'idée de se faire vacciner. Dans le détail, l'enquête qui suit l'évolution des comportements et de la santé mentale pendant l'épidémie de Covid-19 indique que 40% des Français interrogés déclarent vouloir certainement ou probablement se faire vacciner contre Covid-19, soit moins de la moitié de la population. La campagne de vaccination démarre dimanche, tout juste un an après l'émergence de ce nouveau coronavirus dans le monde. Une rapidité inédite qui suscite de l'espoir, mais nourrit aussi la méfiance de toujours à l'égard des vaccins. L'adhésion est notamment en baisse chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Pourtant, les cibles prioritaires du vaccin, tout en restant majoritaires, ils sont 61% à vouloir se faire vacciner, alors qu'ils étaient 72% il y a 2 mois. Le gouvernement espère, dans un premier temps, cibler les personnes âgées, avec d'abord quelques dizaines de résidents dans 2 ou 3 établissements pour personnes âgées, précisait Olivier Véran mardi. Santé publique France tire donc la sonnette d'alarme. Les résultats largement disponibles concernant l'efficacité du vaccin contre le Covid-19 ainsi que la tolérance et la sécurité d'emploi des essais cliniques des 2 premiers vaccins ne semblent pas convaincre les personnes interrogées. Voilà. Alors, sur ce, Macron commence vraiment à avoir peur parce qu'en fait, je pense qu'il est, il faut bien comprendre, il a été mis là par des gens qui attendent de lui une certaine efficacité. Donc, il a une obligation de résultat, Macron, vis-à-vis de ces grandes puissances internationales qui pilotent. Donc, il sent que la température monte. Le JDD fait part donc de sa tension. Enfin, c'est ce qu'il nous dit. Sur la vaccination contre le Covid-19, là, c'est Macron qui parle. Hein. Nous sommes sur un rythme de promenade en famille et ce n'est pas à la hauteur ni du moment ni des Français. Mécontent du tempo de la campagne, Emmanuel Macron tape du poing sur la table. En public, le chef de l'État a mis en garde jeudi soir lors de ses vœux aux Français contre toute lenteur injustifiée. En privé, ses mots sont sévères. « Moi, je fais la guerre le matin, le midi, le soir et la nuit », a martelé le président de la République lors d'échanges téléphoniques avec des interlocuteurs de tous horizons. « Et j'attends de tous le même engagement. Or, là, ça ne va pas. Ça doit changer vite et fort, et ça va changer vite et fort. » Dans ses propos, il rappelle les ravages d'une épidémie qu'il qualifiait déjà de guerre en mois de mars dernier. 64 000 morts à ce jour en France, un désastre économique. Oui, enfin, bon. On va y revenir, social et psychologique. Les États-Unis auront eu plus de morts de la Covid que durant la Seconde Guerre mondiale, et ce n'est hélas pas fini, a-t-il souligné. Et d'insister, la France peut et doit gagner cette guerre, elle la gagnera. Alors, messieurs, je m'abstiens de commenter, je pourrais faire un petit commentaire après, il y a beaucoup de conneries qu'il a énoncées en très peu de temps, c'est quand même un record, mais bon, je ne suis pas surpris. Ce petit roquet homosexuel hausse le ton. Il pense peut-être impressionner des gens. Bon, moi, ça m'ulcère hein, particulièrement d'entendre cette petite merde parler sur ce ton-là. Vous voyez, ce mec qui se couche, qui, je pense, se couche derrière tous les lobbies de ce putain de pays, et qui là hausse le ton comme un petit chef. Ouais, de toute façon, ça va se faire, hein, vous vouliez ou pas. Mais ta gueule, quoi, mais ta gueule. Bah, t'as qu'à remarquer qu'il n'ose pas le dire en public, en tout cas en ces termes. Mais la pression monte, hein. Qui d'autre sur les... Il y a un phénomène intéressant, donc il y a un phénomène de défiance massive, ça c'est clair, ça se vérifie, en tout cas à ce jour, avec donc la réticence de masse, qui s'explique très bien, je veux dire, vous avez vu les pieds nickelés en action depuis le mois de mars, sur tous les fronts, hein, je veux dire, les masques, ça sert à rien, n'en mettez surtout pas, n'allez pas en demander à la pharmacie, etc., maintenant, si vous en mettez pas, vous êtes alpagué. Enfin, c'est une gestion ahurissante. Au plan économique, c'est une catastrophe. Hein, tout ça pour lutter contre un virus dont je le rappelle, hein, 99,5% des gens guérissent quand même. Donc là, il dit des chiffres qui se. Il dit 64 000 morts, etc. Et, alors les chiffres sont archi gonflés, d'une part. De deux façons. Statistiquement, ils ont arrêté de compter les morts de la grippe. Ils ont arrêté de les compter officiellement depuis le mois de mars. Donc vous imaginez bien, comme il y a à peu près entre 15 et 20 000 personnes qui meurent tous les ans de la grippe, vous imaginez bien qu'il y a déjà de grandes quantités de gens qui meurent de la grippe avec des symptômes grippaux qui sont mis dans cette catégorie-là, et puis d'autres gens qui sont infectés d'autres types de coronavirus, on les met aussi dans cette catégorie-là. Donc c'est très très vite, vous pouvez doubler le chiffre du nombre de morts. Ça c'est une chose. Ensuite, citant les États-Unis en disant « Ouais, ils vont avoir plus de morts que la Seconde Guerre mondiale. » Mais attendez. Typiquement, mais vraiment des comparaisons pour abrutis. Des comparaisons pour abrutis. Je peux en faire aussi des extraordinaires comme ça. Hein. Je veux dire, aux États-Unis, saviez-vous hein, que tous les ans, il y a 600 000 personnes qui meurent du cancer. C'est plus que les morts de la Seconde Guerre mondiale, vous vous rendez compte? Bon. Et alors, les États-Unis s'arrêtent de vivre hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on sait très bien, il faut débunker ça, hein, on sait très bien que c'est un virus qui ne tue pratiquement personne, et les personnes qui en meurent sont des personnes âgées déjà malades. Et les chiffres, hein, parce qu'il y a plusieurs études là-dessus qui sortent, mais grosso modo, il y a un consensus qui émerge, consensus officiel, hein, pas consensus de voix dissidente, hein, c'est vraiment un consensus qui est reconnu et même diffusé par les médias, c'est que les gens qui meurent du Covid, on estime qu'en moyenne, ils allaient mourir dans l'année. En raison de leur grand âge, en raison des pathologies qu'ils avaient déjà. Bref, ils avaient une très faible espérance de vie, d'accord. Voilà, le Covid, si vous voulez, c'est la petite chiquenaude qui fait qu'il y a toute une série de personnes âgées ou malades qui décèdent. Mais à aucun moment, contrairement à ce qu'ils disent, cette espèce de pandémie qui tue à l'aveugle des gens de 20 ans, etc. quoi. Et il y a une manipulation de l'opinion là-dessus, et ça ne justifie en rien les mesures drastiques qu'ils sont en train de prendre, et dont on sait qu'en réalité, elles visent un autre objectif. Donc, tout ce qu'ils racontent, ça ne tient pas debout. Comparaison complètement bidon, évoquant évidemment des bilans complètement truqués. Enfin, c'est agressant, quoi. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, il dit, on va taper du poing sur la table. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Hein. Bon, enfin si, j'ai une idée, on va en parler un petit peu après, mais il y a une résistance passive qui s'organise dans l'opinion. Donc ça, c'est quand même un point fort. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Mais il y a, à ce stade, hein, il y a un refus des gens de se faire vacciner. Peut-être là-dessus, on va partir là-dessus. Autour de vous, comment réagissent les gens face à cette possibilité de se faire vacciner? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Ils vous disent « Ouais, j'y vais tout de suite en courant » ou qu'est-ce que... J'ai un ami médecin qui m'a expressément mis en garde de ne surtout, surtout pas me faire vacciner, qui a appelé toute sa famille, ses sœurs, ses petits-enfants. Il prévient tout le monde autour de lui de surtout, en aucun cas, ne se faire vacciner. Parce que le vaccin, d'ailleurs, n'est même pas strictement un vaccin, il s'agit de thérapie génique. Et bon, tout ça est extrêmement douteux, extrêmement dangereux. J'ai pas vu une seule personne moi qui m'ait dit ah si j'en ai un j'en ai trouvé un quand même qui veut bien se faire vacciner. C'est un monsieur qui a pas une très bonne santé et qui est très très anxieux par rapport à la pandémie, mais je dois dire que même les personnes âgées autour de moi, parce que cet ami médecin c'est un ami à la retraite, je dois dire même eux sont pas convaincus quoi. Il y a vraiment que les gens qui flippent vraiment à mort qui vont aller se faire piquer. D'autres, j'aimerais bien avoir d'autres témoignages. autour de vous, ça peut être vos parents, vos amis, est-ce que même vous en avez parlé, parce que peut-être que c'est même pas un sujet, ça passionne tellement peut-être pas les gens qu'ils en parlent même pas, mais qu'est-ce qu'on vous dit? Ben moi, il y a une petite chose, excuse-moi Alexis, une petite chose que j'ai appris pas plus tard qu'aujourd'hui. Un ami est allé, c'est hier ou avant-hier, à l'hôpital parce qu'il doit subir un examen, il a pris un rendez-vous, il devait voir le médecin avant. Et lorsqu'il est arrivé, on lui a dit qu'il était obligé, c'est en Belgique, hein, de passer le test pour savoir s'il avait le coronavirus. Donc le type, parce qu'il va se faire soigner demain, on doit savoir s'il a le coronavirus ou non. De là à lui dire, bon, ils n'auront pas les résultats demain, mais de là à lui dire, bon, écoutez, vous êtes positif au coronavirus, même s'il n'en souffre pas, et de lui conseiller fortement de se faire piquer, à mon avis, c'est un petit peu dans ce sens-là que cela agit, je crois. Oui, une pression qui est exercée donc sur les gens pour qu'ils cèdent. Systématiquement, en se rendant à l'hôpital. Donc, je crois que des gens vont se faire piquer, parce qu'ils ont besoin d'autres soins et qu'ils finiront par accepter de se faire piquer. Ouais. Alexis ? Alexis voulait prendre la parole. Ouais, moi je voulais parler d'une corrélation qui existe entre les âges. Quoi. Il y a beaucoup de gens vers les 70 ans, là, ce qu'on appelle les boomers, qui parlent évidemment en général, qui ont l'air assez positifs vis-à-vis de ce vaccin, bien qu'il soit nouveau. Bon, bah, c'est lié au fait que pour eux, de façon générationnelle, la télé, c'est l'outil d'information, quoi, un des outils d'information principaux, avec aussi le journal, la presse papier, et puis la radio. Donc, ces trois organes sont totalement dans les mains des mondialistes, en fait, puisque les mondialistes achètent des médias, ils achètent aussi les gouvernements. Donc, on a des phénomènes très, très semblables au Canada, ou alors les policiers sont aussi rentrés dans les maisons où il y avait 6 personnes sur des dénonciations des voisins pour dire que c'était pas que franco-français, ça s'est passé en Belgique, aux États-Unis avec Biden en particulier, ça se profile aussi, évidemment. Donc, il y a un phénomène général et, oui, il y a, bon, malheureusement, et je pense qu'il y a quand même des gens qui vont vouloir se faire vacciner beaucoup entre 65 et 75 ans. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Bon, alors dans l'immédiat, est-ce qu'il y aura beaucoup de morts dans l'immédiat? Je sais pas. Il y a une possibilité, notamment il y a un professeur allemand que j'ai écouté qui s'appelle Rausch, Montagnier a dit une chose assez similaire, parce que Montagnier, dans l'interview à France Soir, qui date d'il y a quoi 2 semaines, a dit que ce vaccin provoquerait probablement des cancers. Donc quelque chose qui se développerait plutôt sur le long terme. Le professeur Rausch, lui, a pensé à des maladies de type Creutzfeldt-Jakob qui se développerait également plus sur le long terme. Voilà, donc il y a les gens qui sont prudents, et ils ont bien raison d'être prudents, et non seulement ils sont prudents, mais il y a tout un tas d'autorités, vraiment des gens très savants qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire pourquoi pas un jour faire une nouvelle méthode qu'on généraliserait, pourquoi pas, mais pas en ce moment. On a fait 4 semaines de tests, on a fait les trucs complètement dans l'urgence, c'est n'importe quoi. Les gens servent de cobayes, on n'a même pas fait d'expérimentation correcte sur l'animal. Voilà, donc soyez prudents. Et autour de toi, quelle est la réception de ce projet de vaccination? Bon, un certain nombre, c'est très mitigé. Un certain nombre sont méfiants vis-à-vis de ce vaccin en particulier, alors qu'ils pourraient être un petit peu plus ouverts vis-à-vis des vaccins en général. Et comme l'a dit Porovitch, il y a une part de thérapie génique, même si le mot est contesté, mais par certains, mais oui, c'est à peu près, je dirais, dans mon entourage 50-50, ça reflèterait à peu près, disons, le 60-40 que tu évoquais. Et ceux qui disent non dans ton entourage, ils sont catégoriques, ils disent non, moi je prends pas ce truc-là, c'est très clair. Pour l'instant, oui, mais la pression médiatique est telle que moi, je pense que là, on voit se dégager 2 catégories de personnes au-delà de la question des âges. C'est les gens qui regardent la télé, en gros, et les gens qui regardent pas, quoi. Et ouais. Les gens qui sont sur Internet, ouais. Beaucoup, parce que certains aussi utilisent Internet, mais uniquement pour leur travail. Mettons, il faut qu'ils fassent, je sais pas quoi, un fichier Excel dans leur travail, parce que ça touche à un domaine bureautique ou que sais-je encore, mais ils n'utilisent pas des gens de 60, 70 ans n'utilisent pas beaucoup Internet pour se renseigner. Un certain nombre le font, évidemment, je dis pas le, mais là, ça reflète, à mon avis, une bonne dichotomie. C'est-à-dire ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui suivent Sylvano Trotta, enfin, des gens qui relaient, qui suivent du genre, je sais pas, Raoul, Perron, des gens comme ça, bon, bah, eux, c'est clair, quoi, c'est non, miette, on nous ment, on nous... Donc, on veut nous piquer, nous faire de nous des cobayes, donc surtout pas. Mais d'autres qui sont alors là, qui sont sur la télé, la radio, là par contre, c'est malheureusement. Alors, il y en a un comme ça qui est particulièrement détestable, c'est Blachier. Vous connaissez ça? Directement de l'affaire, il faut le rappeler encore, on l'a déjà dit dans l'émission, mais il touche du fric hein, de Gilead à hauteur de centaines de milliers d'euros. Voilà, ouais. Faut me le rappeler. Mais lui, il est vraiment détestable, quoi. Il est vraiment. Il sent la corruption, cet homme-là. C'est physique, quoi. Je trouve qu'il suinte la corruption. Ça a duré 2 mois, son histoire, hein, où il a fait la promotion du remdesivir. Ouais. Il passait sur tous les plateaux de télé, hein, 2 mois. Et tout le monde savait que c'était du pipeau, quoi. L'OMS, maintenant, l'a annoncé, mais. Ah, il est toujours dans les médias. Hein. Toujours sur la. Ouais. Ouais, tout se passe bien. Il y a Philippot qui l'a recadré, d'ailleurs. À ce sujet-là, en disant bah, vous avez passé des mois à nous faire la promotion de ça, etc., un peu de modestie et tout, il avait quand même bien cadré hein, le Blachier là. Mais il est vraiment détestable et il disait, parce que donc, comme le dit Macron en fait, parce que l'idée c'est ça, c'est que, parce qu'il faut aller au cœur du problème. Encore une fois, c'est pas une question de sanitaire en réalité. Tant qu'on parle du virus, tant qu'on reste dans la discussion, enfin, tant qu'on accepte de se faire corneriser. En parlant du virus, on ne parle pas des véritables objectifs du système. Donc vous êtes là, vous avez les gens, vous avez le chloroquine, pas chloroquine, truc, bin, stuff. Mais ce n'est pas le sujet. Ce virus est absolument inoffensif. 99,5% des gens, encore une fois, guérissent de ce truc-là, comme la grippe. Il a le même taux de létalité que la grippe. C'est une grosse grippe. C'est une grosse grippe. Donc on est en train de. Et on voit bien que la disproportion de la réaction du système par rapport à la cause alléguée. Ne tient pas la route. Vous détruisez pas l'économie occidentale parce qu'il y a une grippe qui circule. Faut être sérieux, je veux dire. Donc il y a un autre programme. Et justement, il y a un agenda à suivre. C'est un plan. C'est un plan. Et donc il y a des phases dans ce plan. Et là, on sent en France que la France est en train de devenir une espèce de caillou dans la chaussure de ce qu'on pourrait appeler hein, le nouvel ordre mondial, hein, très clairement. C'est un véritable caillou dans la chaussure, ce nouvel ordre mondial, qui agit sous bannière sanitaire, mais qui met en place toute une série de contrôles des populations, et le vaccin, c'est l'excuse, le prétexte pour contrôler les populations. Leur interdire d'aller un point A à un point B, leur interdire de rencontrer un tel avec un tel, mettre en place des systèmes pour les tracer, etc. Empêcher les rassemblements, et qui dit empêcher les rassemblements dit empêcher les manifestations, alors qu'on va voir toutes les faillites qui vont arriver, je pense qu'il y a quand même des gens qui vont avoir envie de manifester, donc là, ça sera intéressant de voir aussi ce qui va se produire. Et la pression monte sur la France et sur les autorités françaises, d'accord ? Je pense qu'à les hiérarques de Davos, tous ces gens-là, ils disent « Attendez, qu'est-ce qui se passe en France ?» Et forcément, ils téléphonent à Macron, ils disent « Mais on ne comprend pas, les statistiques ne sont pas au rendez-vous, qu'est-ce qui se passe chez vous, monsieur le Président, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ?» Alors Macron, il doit commencer à sentir un petit peu, parce qu'attention, le principe de tout ce qui se produit, c'est que vous suivez, enfin les gouvernements suivent, en échange d'un accès au financement. C'est-à-dire que soudainement, les coffres de la finance internationale sont grands ouverts. D'accord ? Toutes les aides là, qui sont en train pour basculer dans le nouveau système, elles sont conditionnées par la mise en place de ce nouveau système. Or, on a bien compris que la vaccination prétexte en fait hein, au suivi des populations, au contrôle, quoi. Hein. C'est clé dans le dispositif, c'est-à-dire qu'il faut d'abord contrôler les gens. Et si ça ne se produit pas, Les grands ordonnateurs, n'est-ce pas, ils vont dire à Macron, attendez, on n'est pas en train de vous financer à coup de centaines de milliards d'euros pour que derrière, il ne se passe rien. Et c'est là que ça commence à devenir extrêmement tendu, et à mon avis, que les autorités vont devenir très agressives avec la population française. En raison de ça. C'est-à-dire que Macron va recevoir, à mon avis, ce qu'on peut appeler une menace en bonne et due forme. On va lui dire, si tu n'as pas les résultats convenus, à date telle, je pense qu'on va lui fixer l'été, je pense. On va lui donner 6 mois à Macron. C'est-à-dire, si dans 6 mois, tu n'as pas obtenu tant de vaccinations, financièrement, tu vas sentir la représaille. C'est-à-dire qu'on va lui dire, finalement, tu ne pourras pas lever tant sur les marchés internationaux. Tu ne pourras pas lever tant. S'il ne peut pas lever autant de milliards qu'il en a besoin pour amortir le basculement dans le nouveau système, il y aura des gens dans les rues, donc il y aura des appels, etc. Vous comprenez? C'est vraiment comme une corde au cou. Pardon, je ferai peut-être... Vas-y, j'en ai terminé. En fait, pour illustrer ce que tu dis, il suffit de rappeler ce qui a été dit dans une autre émission, en l'occurrence, que, rappelez-vous, les 940 millions de dollars proposés par le FMI à M. Loukachenko, président biélorusse, pour encadrer la société biélorusse dans une stratégie anti-Covid. Et Loukachenko l'a lui-même dénoncé dans un discours qui a été retransmis par la télévision biélorusse. Cela montre bien que tout ça, c'est une question de pognon directement adressée aux dirigeants politiques des nations. Ça fait aucun doute. Il avait refusé, il avait dit que quand il a refusé ce pot de vin, parce que c'est un pot de vin en fait, Loukachenko, là, qui a été diabolisé dans tous les mêmes médias, qui nous mentent en fait, a refusé le confinement. Et subitement, il s'est retrouvé avec une insurrection dans les rues. C'est étonnant quand même. Avec une chef de file qui disparaît à l'étranger, qui tout d'un coup atterrit aux Pays-Bas, où elle rencontre, je sais même plus qui, Bernard-Henri Lévy. Elle a même rencontré Bernard-Henri Lévy. Enfin, c'était grotesque. Loukachenko a dit non, il a expliqué son refus, il a dit, moi, il est hors de question que j'organise la destruction de l'économie biélorusse. Donc je refuse de mettre en place un confinement. C'est ça aussi d'avoir un leader fort, il peut tenir tête. Mais par contre, il y a eu des conséquences, et les conséquences, on les a vues. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de le renverser par la force. Et quand tu dis, et ça c'est très juste, quand tu dis, il démarche directement les dirigeants politiques, en leur disant, faites ça, on vous donne de l'argent des gens, c'est totalement vrai. Klaus Schwab, qui est le patron du Forum économique mondial de Davos, qui est une plateforme oligarchique tenue par des idéologues socialistes, marxistes en réalité. Et donc, si vous allez me dire, mais c'est un drôle de mariage, non, ça a toujours été comme ça. Le marxisme a toujours été cul et chemise avec la finance internationale. Ça a toujours été comme ça. Et ça restera toujours comme ça. Les deux se tiennent, c'est les deux faces de la même médaille. Et évidemment, je ne parle pas de l'antifa de quartier qui est simplement manipulé, je parle des grands ordinateurs, et un mec comme Klaus Schwab a envoyé son fascicule, le Great Reset, c'est marqué dessus, la grande réinitialisation, ou son projet de basculement dans un système où, si vous voulez, c'est un système de réduction en esclavage total, c'est le système soviétique, quoi. Donc le néo-soviétique, son projet néo-soviétique, il en a envoyé une copie à tous les gouvernements de la planète. Et de manière très révélatrice, parce qu'il y a des zones qui sont en opposition frontale, c'est le cas notamment de la province de l'Alberta au Canada. Parce que cette province canadienne vit très essentiellement de l'exploitation des ressources gazières. Or, vous avez compris que dans le Great Reset, dans ce projet d'économie néo-communiste verte, on est tous dans des transports en commun collectifs, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, officiellement, quoi. Donc cette province du Canada, elle est directement menacée économiquement par Trudeau, qui lui est totalement dans la poche de Klaus Schwab. Il a même utilisé Trudeau lui-même en personne, face caméra, il a même revendiqué l'utilisation du mot Great Reset. Il l'a dit, il a même qualifié, c'est surprenant quand même, c'est révélateur, il a qualifié le Covid-19, la crise du Covid-19, d'opportunité. Je veux dire, je croyais que c'est une crise. C'est étonnant, vous voyez, donc les mots ne trompent pas quand ils utilisent ce type de champ lexical-là, en disant, c'est une opportunité, si c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Or, visiblement, pour eux, c'est plutôt quelque chose qui tombe à pic, quoi. Évidemment, ils l'ont monté de A à Z. Et Trudeau, il menace l'Alberta. Parce que s'il poursuit avec son projet, qui est le projet de Schwab et compagnie, et de Bill Gates, ils sont détruits économiquement. L'Alberta n'a plus d'avenir, quoi. Ils ont plus du tout d'avenir. Donc on risque même de voir des phénomènes de séparatisme émerger. Au bout d'un moment, vous allez avoir des provinces comme ça, ils vont dire, nous, on ne peut pas avoir de futur dans une fédération comme la Fédération canadienne qui nous interdit d'exploiter nos ressources. Ce n'est pas possible. Donc on risque de voir ces tensions s'aggraver considérablement dans un pays comme le Canada et ailleurs. Donc tout ça pour dire quoi? Que le Premier ministre de cette province a pris la parole publiquement en disant, voilà, mais Schwab, il m'a envoyé son bouquin. Il me l'a envoyé personnellement pour me solliciter, me dire, voilà, il faut en faire partie. Et publiquement, il dit, il est hors de question que je fasse partie de ce projet, de ce projet néo-communiste. Il a parlé en ces termes, hein, et il a raison. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas un complotiste ou je sais pas quoi, c'est le Premier ministre en fonction de la province de l'Alberta. Donc quelqu'un qui est là, si vous voulez, en quelque sorte pris entre le marteau et l'enclume, parce qu'il doit défendre l'économie de sa province, il doit défendre ses électeurs, et il est en fonction. Et il a rien à gagner dans l'opération que monte Trudeau avec l'aide de Soros, avec l'aide de Bill Gates, l'aide de Schwab et compagnie. Donc il a craché le morceau. Et il a dit, comme tu l'as dit, Fulbert, il a dit, voilà, moi j'ai reçu cette copie. Et on m'a demandé de faire partie de ce qui est une véritable... Oui, je ne vais pas dire que c'est une conspiration, parce qu'elle est publique. Il revendique. Il y a aussi quelque chose d'un peu piquant dans cette affaire, dans cette révolution de velours ou de couleur qui s'est produite peu de temps après son refus en Biélorussie. Rappelez-vous, c'est un mouvement féministe. Ce sont des femmes qui ont lancé, un peu à l'image des féminines, qui ont lancé véritablement cette révolution de couleur en Biélorussie. Ouais, c'était des gonzesses comme ça, ouais. Il y a plein d'accointances comme ça, le FMI, ouais, qui propose en échange du vous confiner, et puis on vous prête une somme plus importante. Et alors, sur l'Argentine, qui a fait parler d'elle aussi, puisqu'il y a eu la légalisation de l'avortement, mais l'Argentine a fait un des pays qui a fait, semble-t-il, un des confinements les plus stricts depuis le début. Et ça ne les a pas empêchés d'avoir beaucoup de morts. Donc, c'est un exemple qui est pris pour les gens qui critiquent, à mon avis, à juste titre, le principe du confinement. Mais l'Argentine, on sait qu'historiquement, ils ont connu beaucoup de crises, notamment au tout début des années 2000, et qu'ils ont très souvent recours au FMI. Donc, ça tend à accréditer ce que l'on raconte, quoi. C'est-à-dire que les organisations internationales, la BCE aussi, avec Christine Lagarde, qui avait dit déjà en 2013, qui avait parlé de « on a besoin d'un grand reset », enfin, elle avait dit en anglais « we need a great reset ». C'est un plan qui devrait... Ouais. C'est un plan qui n'est pas non plus d'hier matin, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été mûri, donc tu as parlé au Forum de Davos, donc Georges Soros vient parler au Forum de Davos, il avait parlé lors du dernier forum en 2019, il avait dit, je crois, Donald Trump arrive dans les derniers mois de sa présidence. Ça peut passer très vite si tout se passe bien, mais si jamais il y a des émeutes, par exemple raciales, ça pourrait devenir un enfer et ça pourrait durer très longtemps. Vous voyez que tous les phénomènes qu'on a assistés, les émeutes raciales, tout ça, les choses sont interconnectées. Alors, il y a des forces mondialistes qui ont des puissances incroyables. L'élection de Macron est directement liée à l'influence de ces forces, puisque à travers la diabolisation d'un candidat qui était pas très révolutionnaire, mais bon, Fillon, qui a été diabolisé sur la base de choses, bon, c'est pas très glorieux pour Fillon, mais c'est pas non plus des crimes contre l'humanité qu'il a fait. Bon, Fillon a été écarté, la promotion incroyable de Macron via BFM, via tout un tas de médias, et le fait que, alors, peut-être qu'il y a eu aussi l'influence de réseaux logiciels de type Dominion ou Smartmatic pour comptabiliser certaines voix. Mais en tout cas, Macron arrive au deuxième tour contre Marine Le Pen, bon, n'avait pas tout à fait à la hauteur pour gagner. Moi, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, tout ça, ça se comprend dans une logique, hein, de Justin Trudeau qui emploie le grand reset. Ça s'articule, c'est effrayant, mais ça donne l'impression vraiment que les dirigeants du monde sont que des pantins et prennent directement leurs ordres auprès de multimilliardaires. Bon, mais il y a quelque chose qui est quand même assez frappant. Regardez, un premier ministre ou un président gagne environ 20 000 euros par mois. en France, Macron, Castex. 20 000 euros par mois, une entreprise qui aurait, une très grande entreprise ou une personne très riche qui aurait intérêt à soudoyer Macron pour ses propres intérêts, je dis pas que ça s'est passé, mais enfin, c'est quand même très probable, pourrait très bien verser 20 000 euros à Macron, mais très régulièrement, tous les jours, ou même des heures, parce que 20 000 euros pour Amazon ou pour Google, c'est rien du tout. Donc nécessairement, structurellement, il y a déjà une corruption aussi. Bon, c'est nécessaire. Oui, il y a deux choses que je veux souligner sur ce que tu dis par rapport à ce projet-là. Dans leur conception des choses, on va se retrouver avec un système, si vous voulez, ça sera comme dans le système communiste. Donc techniquement, tout appartient à l'État, mais en fait, les gens qui contrôleront l'État, donc ce qu'on appelait la nomenclatura, en fait, ça sera comme des oligarques, en fait. Si vous voulez, on change de mot, mais la réalité elle reste la même. Et dans leur idée, en fait, ils vont se débarrasser, enfin, ils veulent détruire, comme je l'ai dit, les acteurs économiques indépendants. Faire main basse sur toute l'économie et se la répartir entre quelques grandes multinationales avec au cœur de ce système les nouvelles technologies. Et notamment l'utilisation d'Internet. Il y a un truc très intéressant, il y a eu une annonce d'une initiative, parce qu'il y a ce que disent les politicards, notamment un type comme Bruno Le Maire, qui est une vraie vipère, lui, et ce qu'ils font. Alors Bruno Le Maire, en public, c'est les GAFAM, on va lutter contre, etc. Vous allez voir, c'est scandaleux, etc. Bien. Puis en pratique, ils sont en train de donner à Amazon l'autorisation, avec la BPI, je crois que c'est la BPI qui a filé ça, l'autorisation d'accompagner, comme ils disent, la digitalisation des entreprises françaises qui veulent vendre, parce qu'on va vraiment basculer là-dedans, hein, c'est-à-dire en fait, ils veulent abolir les transactions physiques, un maximum. Et donc, ils veulent digitaliser ces entreprises-là, c'est-à-dire comment tu fais de la vente en ligne et ce genre de trucs, comment tu stockes, etc. Mais évidemment, donc Amazon va offrir, si vous voulez, les conseils, puis progressivement l'infrastructure, etc. Donc en fait, Amazon va être le pilier central de ce projet, en tout cas parmi d'autres groupes. Donc pour eux, ensuite, si vous voulez, ils pourront totalement, ils vont garder les business qui sont rentables, ils vont éliminer les autres. C'est ça qui est en train de se passer, quoi. Et on parle d'Amazon en disant c'est un groupe privé, mais oui, mais c'est tellement massif que c'est même plus privé, si vous voulez. En fait, c'est la logique de la rente, quoi, hein, ou la logique du fermage. Donc voilà, donc vous avez ces espèces d'énormes empires technologiques qui pèsent des centaines de milliards ou davantage de dollars. Et l'État français accorde un fermage, donc comme du temps du système féodal, va accorder un fermage à ces énormes groupes en disant voilà, bon, bah les gars, en gros, hein, vous pilotez l'économie, et puis vous nous donnez notre part, quoi. On taxe à temps sur toutes les transactions, etc. Voilà. C'est un deal entre vraiment les socialistes, hein, il n'y a pas d'autre terme, et ces gens-là. Voilà. Et c'est ça qui est en cours, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça qu'ils sont en train de détruire toute l'économie réelle, en réalité, quoi. Ils sont en train de faire main basse là-dessus. Les gens ne le voient pas, quoi. Les gens sont le nez collé sur une histoire de virus qui est une farce, quoi. Alors, pour en revenir à la vaccination en tant que telle, vous avez vu l'annonce, là ? Les médecins vont être payés à la tâche. Si vous vous rappelez, on avait lu un courrier des lecteurs, il y a quelques semaines, d'une personne qui nous annonçait les mesures qu'allait prendre le gouvernement pour forcer la vaccination des goïms. Je ne sais pas si vous en rappelez. Il nous avait dit, voilà, les médecins vont avoir un quota à remplir, un quota de vaccinés à remplir. Ils vont devoir vacciner tant de personnes à telle date, etc. Qu'il y aurait une vraie politique de pression, etc. Ce qui n'était pas su du grand public à l'époque. Et ça s'est vérifié cette semaine, puisqu'il y a eu l'annonce d'un intéressement des médecins généralistes à la vaccination. 5,40 € par Français vacciné pour chaque médecin généraliste. Donc ils sont payés à la tâche. Parce qu'ils voient bien que les gens ne veulent pas, quoi. Donc maintenant, ils vont payer les gens pour. Ils vont payer les médecins généralistes pour piquer les gens. Qu'est-ce que vous pensez de ce truc-là ? C'est pas forcément une mauvaise chose. Pourquoi ? Vas-y, explique. parce que le plus dangereux, ça aurait été qu'ils court-circuitent les médecins généralistes et qu'on passe uniquement par des centres contrôlés. Là, il y a des gens qui vont pouvoir passer entre les gouttes, ou plutôt entre les aiguilles. Ouais, mais si tu te fais vacciner... Ah, toi, ce que tu veux dire... Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura des généralistes accommodants qui diront qu'ils vous ont vacciné, mais qui l'ont pas fait. Bah, ouais, exactement. Si vous avez de la chance, ouais. Il y en aura, parce qu'il y a des gens qui ont une conscience professionnelle, voire même une conscience morale. Ça me paraît fou aujourd'hui, mais oui, il en reste. Et voilà. Je voyais une vidéo sur François, hein, j'ai oublié le nom de ça, c'était récemment. Là. François, ils ont pris un des rares médias qui a décidé d'informer les gens. C'est un des seuls. Qui citait justement un médecin généraliste. Non, pas un médecin généraliste, un médecin qui a eu des responsabilités. Bon, mais c'est dommage, j'ai pas son nom, et qui disait justement bon, la réalité de sa profession aujourd'hui. Il disait voilà, les gens ont peur. Les gens ont peur parce que si vous sortez du rang. Excuse-moi de te couper. Oui, monsieur Gérard Choduc, je crois, j'ai écouté son entretien, c'est très récent. Là. Ouais, et il disait ça, il disait, bah, grosso modo, en fait, parce que tout ça s'est administré mais vraiment comme sous l'Union soviétique. Les gens ne le mesurent pas. Les gens croient qu'ils sont, je sais pas, dans un pays libre. Non, c'est l'Union soviétique. L'ordre des médecins intervient immédiatement. Donc, Les pharmaciens font de la surveillance. Quand il y a un truc qui colle pas, ils préviennent. Hein. S'il y a un généraliste qui fait pas le boulot, le pharmacien ira moufter. Avec ce jeu de délation aussi interne, voilà. Et alors il disait, enfin, lors de cette interview, il disait, en gros, c'est la terreur, quoi. C'est la terreur interne. On peut pas, les médecins peuvent pas. Et il disait, voilà, grosso modo, les généralistes étaient poussés vers la sortie. Donc lui, ce qu'il sous-entendait, c'est qu'en gros, alors on parle de digitalisation, etc., de tous ces grands groupes. Vous savez, Google a des projets. Je dis pas que c'est ce qui va se produire, mais ils ont des projets de remplacement des docteurs par l'intelligence artificielle, etc. Et lors de son interview, il disait, voilà, on est mis sur la touche avec l'histoire du vaccin. C'est en gros, voilà, on essaye de nous mettre sur la touche, de pas tellement avoir notre mot à dire, de trucs, voilà. Et Blachier, c'est ce qu'il disait, il n'arrêtait pas de se plaindre. Il disait, mais les généralistes, là, il faut s'en débarrasser, etc. Il faut envoyer les gens dans des grands centres de vaccination à grande échelle, quoi. Il n'est pas impossible, il n'est pas impossible que parmi toutes les mesures qu'ils veulent prendre, il y ait effectivement l'abolition du médecin généraliste, à terme. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, tout sera piloté par des grosses structures, prendrez des rendez-vous, des trucs, mais vous n'aurez plus un médecin personnel avec lequel vous créez une relation de confiance au fil des ans, etc., qui connaît votre santé, qui vous connaît personnellement, etc. Et ça, il voudrait s'en débarrasser. Encore une fois, le caractère indépendant qui dérange. Et c'est ce que disait dans cette interview ce docteur-là. Je trouvais ça très, très pertinent. Et fatalement, pour le contrôle des populations, c'est autrement plus simple de tout piloter depuis des grands centres. Vous êtes un numéro, hein. C'est évident. Et encore une fois, l'excuse, c'est la digitalisation, qui est entre les mains de qui on sait. Moi, je pense que les pièces du puzzle, ça semble petit à petit. Hein. Toi, tu dis, c'est pas plus mal, finalement, que les généralistes restent dans le jeu de la vaccination. Oui, c'est un peu comme la corde qui se tient pendu, quoi. Mais bon. Je pense que c'est un moindre mal, mais bon. Ouais. Alors, j'ai vu que Djebari annonce leur objectif, à cause justement du fait que les Français font de la résistance passive, pour les raisons qu'on a évoquées. Macron tape du poing sur la table, c'est un petit point, mais il tape quand même. Djebari a annoncé qu'il vise, que le gouvernement vise, que Klaus Schwab vise, 26 millions de vaccinés d'ici l'été. Donc à mon avis, c'est la consigne qu'ils ont reçue de la part des donneurs d'ordre internationaux, on a dit, voilà les gars, c'est 26 millions, la moitié de la population, un peu moins, d'ici l'été, pas moyen de discuter, quoi. Et voilà. Alexis, tu voulais prendre la parole, mais même, hein, je veux dire, voilà, je donne le chiffre simplement pour comprendre que, voilà, ils vont devenir très agressifs. À mon sens, les autorités vont devenir très agressives, de la même façon qu'ils sont très agressifs avec les toughers, là, je veux dire, ils vont devenir très, très agressifs. On va voir comment ils vont s'y prendre. mais ils vont vraiment mettre la pression aux gens. C'est évident. Oui, tout à fait, pour corroborer ce que tu dis, par rapport à ce que disait ce monsieur docteur, donc Gérard Chauduc, je crois, ou Chauduc, il disait aussi une chose, c'est que, alors certes, le Covid-19, c'est pas la peste noire, mais il n'empêche que si on n'a pas de traitement, ça peut quand même être assez nocif. Et donc, il parlait quand même de l'ivermectine, de l'azithromycine, ce genre, sans parler de la chloroquine, mais enfin bon, en tout cas, les médicaments qui semblent fonctionner. Dit, les médecins généralistes, s'ils prescrivent ça officiellement, vont contre l'avis de l'ordre des médecins et de l'INSERM et de Jérôme Salomon et de ces gens-là. Et donc, ils peuvent être convoqués par le Conseil de l'Ordre. Et comme ça a été le cas de très récemment de Didier Raoul, pour charlatanisme aussi, de professeur Perron, qui a perdu un de ses postes, de Cheffry, je crois, plus le poste qu'il avait autour de la maladie de Lyme, plus professeur Joyeux, parce que même s'il est à la retraite, il a soigné à peu près 150 personnes avec du zinc, notamment. Donc, Nicole Delépine, qui était favorable au professeur Raoult, ces gens-là ont été tous convoqués hein, devant l'Ordre des médecins. Alors, cette fois, les gauchistes ne nous rappellent pas que l'Ordre des médecins a été créé sous Vichy. Bon, bon. Mais bizarrement, mais on pourrait s'aller troller un peu là-dessus. Mais donc, il y a ça, et puis donc, il y a des médecins qui refilent sous le manteau. Donc, ils ne peuvent pas prescrire officiellement, parce que sinon, ils vont être convoqués devant le Conseil de l'Ordre, et ils pourraient perdre leur droit d'exercer, tout simplement. Donc, s'ils ont un prêt sur une maison, etc. Donc, ils sont obligés d'obéir, mais certains, quand même, que ça fait écho au titre d'un médecin généraliste de Lorraine, qui a écrit un bouquin, je crois, sur le Covid, qui s'appelle « Je ne pouvais pas les laisser mourir », et qui avait été contre l'avis de l'Ordre des médecins, et qui avait été amené à prescrire l'azithromycine, notamment. Et avec succès, semble-t-il. Là, on a des médecins qui refilent sous le manteau des boîtes de médoc aux patients. Il faut surtout pas que ça se sache, hein, surtout pas de prescription, etc. Mais je me refile un petit peu parce que sinon vous pourriez aller mal, quoi. Même si là encore, c'est pas Ebola, c'est pas la peste noire, je suis d'accord. Et encore, ouais, une toute dernière remarque, parce qu'il fait le lien un peu avec ce qu'on avait dit tout à l'heure sur les histoires de complotisme, c'est-à-dire que quand on est un peu en dehors des clous. Même si on est prix Nobel comme Montagnier, même si on est une sommité, on peut se faire accuser de charlatanisme ou de complotisme par Caroline Fourest ou par Martin Blachier ou par ces gens-là, docteur Laurent Alexandre et compagnie. Mais il y a déjà un moment, une vingtaine d'années environ, je crois, c'est Sylvie Simon qui parlait de ça dans son bouquin Ordre des ordres notamment, mais il y a des vidéos dessus, sur ce sujet sur Internet. C'était la Mivilude, ça s'appelle, c'est une structure autour de l'INSERM et du Conseil de l'Ordre des médecins qui vise à surveiller s'il n'y a pas de dérive sectaire chez des docteurs, c'est-à-dire si en gros le médecin généraliste il vous accueille pas, s'il n'utilise pas un pendule ou s'il met pas un petit peu d'encens, etc. C'est-à-dire, même si le docteur a tous ses diplômes, etc., il y a une recherche qui est faite pour soi-disant lutter contre les sectes. Et qui en réalité a servi d'instrument pour repérer des médecins qui seraient un peu curieux, qui seraient un peu indépendants, et de les rayer du Conseil de l'Ordre. Alors parfois ça peut arriver d'être effectivement des charlatans ou des gens dangereux qui veulent manipuler, ça peut arriver, mais disons que la création de cet instrument a permis de mettre sur la touche déjà quelques personnes, notamment je crois Jean-Pierre Willem qui passait chez De Beketch, etc. Enfin ça nous entraîne dans une autre époque, mais... Je crois que cette structure existe toujours et c'était déjà un petit peu la condamnation du complotisme, mais à l'échelle médicale, déjà il y a quelques années. Et inversement, vous avez vu qu'il y a une nouvelle bordée de Légion d'honneur et certaines voix officielles hein, j'aime bien la formule de Jérôme Bourbon, rédacteur en chef de Rivarol. Il dit il y a les virusards et les antivirusards. J'aime bien cette formule. Excellent. je tiens à dire que si nous prenons le pouvoir, Légion d'honneur équivaut à condamnation, peine de mort. Hein. C'est sans procès. Mais vous avez vu, il y a la blonde, là. Comment s'appelle la docteur? Une vraie Karine Lacombe. Ouais, c'est une harpie de première. Elle est particulièrement désagréable. Et elle a été évidemment remerciée... par le pouvoir, mais je veux dire, ça c'est des symboles vraiment marquants, quoi. Si vous voyez quelqu'un arborer une Légion d'honneur, il y a de très fortes chances pour que ce soit un pourri, quoi. Tout spécialement pour le millésime 2021, puisque nouvelle ère, l'an 1 de la révolution sanitaire a commencé, et voilà, ils font partie de la fournée. Peut-être pas la bonne, mais ils font partie de la fournée quand même, quoi. Donc voilà, elle avait celle-là, peut-être que Blachier espère la sienne pour 2022, l'an 2 de la Révolution, je sais pas. Mais ouais, il y a... Donc il y a les charlatans, tu vois, moi Raoult, je veux dire, bon, encore une fois, hein, je veux dire, je me suis pas du tout intéressé à la polémique chloroquine, je trouvais ça, je vous le dis, il y a pas de catastrophe sanitaire, il y a pas d'apocalypse virale, ça n'existe pas, c'est une fabrication médiatique. D'ailleurs, la mortalité n'est pas catastrophique ou quoi. Donc je me suis pas intéressé au traitement ou quoi, machin, une oreille très distante. Enfin, Raoult, même si on peut et on doit toujours être critique et nuancé, je veux dire, c'est pas un rebouteux, quoi, faut arrêter. Et les mecs, il est présenté comme ça, il est présenté comme une espèce de rebouteux original qui a créé une espèce de groupement sectaire, alors que c'est pas le cas, quoi. Je veux dire, on peut d'ailleurs critiquer certains de ses conseils, décisions, analyses, c'est pas un problème, mais de le réduire à un charlatan. Ça démontre quand même, on a vu là, vous savez, comme avec les gilets jaunes, on va de prise de conscience en prise de conscience. Il y a un dévoilement qui se fait comme ça. Avec les gilets jaunes, on a vu comment on s'occupait du peuple quand le peuple commençait à gueuler, quoi. Là, les gens, ils ont été turbo-déniaisage pour tout le monde, hein. Les gogoles qui hurlaient « la police avec nous » ont compris que non, la police, elle est pas avec eux, non, la police, elle est au service du gouvernement, elle est pas au service du peuple. Donc là, il y a eu, et comme les mecs étaient pas tout à fait sûrs, on leur a bien expliqué à coup de tonfa dans la gueule et à coup de LBD le principe, je pense que maintenant ils l'ont globalement compris, et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le fonctionnement de la médecine, etc., qui c'est qui donne les ordres, hein, bon, bah là, ils ont compris, quoi. C'est... L'ordre des médecins intervient, donc la police politique, allez, hop, toi, non, toi, non, toi, non, toi, oui, à toi, oui, très, très bien, toi, non, voilà. Et celui qui n'est pas dans les clous, c'est un charlatan, un complotiste. Maintenant, c'est comme ça, un Montagnier, qui est quand même un prix Nobel, je veux dire. C'est un prix Nobel, l'homme, quoi, en question. C'est quand même pas un... Enfin, il te présente ça comme une espèce de d'artiste bohémien, assez ridicule, quoi. Peut-être même qu'il finira antisémite. Ouh, ça vient plus vite qu'on ne pense, hein. Ça vient plus vite qu'on ne pense. Mais bon, voilà, enfin, c'est du délire. Et donc, on n'a plus de parti d'opposition pour faire entendre cette... pour faire entendre ce qui se passe vraiment. Donc là, il y a une espèce de chape de plomb qui est tombée. Voilà, vous êtes obligés de croire au Covid-19, je dis pas que le virus n'existe pas, je dis simplement que c'est grossi démesurément, quoi, mais comme on est obligé de croire à l'Holocauste, quoi. Alors c'est exactement la même chose, vous n'avez pas le choix. Bon. Je pense qu'il faut, faut faire preuve d'un... Moi, je suis un agnostique, moi. J'ai un agnostique du Covid. Je voulais ajouter... Pardon. Vas-y, je voulais ajouter quelque chose. Ouais, qu'on harangue aux Français pour les convaincre du vaccin et de la tangibilité surtout du virus, de ce qui se passe, de la mort dans les rues. On grossit les nombres de morts, mais également le nombre d'infectés. J'ai remarqué, on grossit vachement ce chiffre. Ouais, en ville, je suis passé devant des tentes militaires qu'on a déployées sur des grandes places. Pour faire des tests gratuits, en fait, donc des tests massifs, c'est-à-dire que vous passez par là, au hasard, vous voyez ça, tiens, vous pouvez vous arrêter, en 5 minutes ou 10 minutes, quelque chose comme ça, vous avez votre test, si vous êtes positif ou pas, quoi. Oui, d'accord, oui, toi, tu voulais souligner qu'en fait, il y a un effort, on veut trouver des gens positifs, c'est ce que tu veux dire, quoi. On grossit les chiffres des gens, à défaut de grossir le nombre de morts, on peut également, en parallèle, grossir le nombre d'infectés, quoi. Et ouais. Donc voilà, on déploie des moyens dans les rues maintenant pour, enfin moi j'ai vu ça, pour tester un max de personnes. Un petit peu comme pour le trucage des élections américaines, je crois qu'ils ont employé à peu près toutes les méthodes possibles imaginables. Hein. Oui, tout à fait. Cette conversation en fait me fait prendre conscience de quelque chose que j'ai pas du tout intellectualisé. c'est que moi, dans mes connaissances, dans mes potes, je connais personne qui veut se faire vacciner, qui va se faire vacciner. Mais par contre, j'ai pris des nouvelles un peu de ma mère, et elle a peur, elle flippe, et elle veut le vaccin, quoi. Elle veut le vaccin. Et j'ai appelé mon père aussi après, il veut le vaccin aussi. Et en fait, ouais, je crois qu'Alexis, en fait, a raison dans son analyse. C'est-à-dire que, bon, c'est des boomers, hein, ils sont nés fin des années 50. Et par exemple, ma mère consomme énormément de télévision. C'est sa seule source d'information, c'est la télévision, quasiment, avec un peu le journal, ce qui est la même chose, hein. Et mon père, pareil, avec de l'Internet aussi, mais il utilise Internet pour se documenter ou pour travailler, quoi, pas du tout pour s'informer. Donc ça, c'est des cibles faciles, quoi. Donc si en plus on ajoute la variable peur qui rentre là-dedans, parce que les gens, dès qu'ils ont peur, ils font n'importe quoi, bah ouais, ça donne un peu des... J'espère qu'ils vont pas le faire, mais en tout cas, c'est pour l'instant, c'est leur objectif, quoi, se faire piquer, quoi. Donc, bien sûr, ils écoutent pas du tout leur fils, parce que leur fils, c'est un dangereux nazi, complotiste, ce que vous voulez, quoi. Oui, bah sur les tests, on en parlait à l'instant, on va pas développer trop là-dessus, mais je crois que celui qui l'avait inventé, c'était Karim Mullis, qui est mort l'année dernière, qui a eu le prix Nobel de chimie pour ça, donc c'est un test qui semblait avoir son utilité, mais d'après son inventeur lui-même, des déclarations que l'on peut retrouver, etc., il disait que c'était pour retrouver des éléments génétiques, et pas pour les virus en tant que tels, donc déjà, alors je sais... Bon, et d'ailleurs ça c'est un argument qui va contre Raoul, puisque Raoul était à fond pour la PCR, bon... Mais peu importe, à la rigueur, puisque de toute façon, là, on nous dit aussi les gens asymptomatiques. Avant, on disait qu'on était déjà en bonne santé. Maintenant, on est des gens qui n'ont pas de symptômes. Alors, vous voyez que, comme disait dans le livre de Jules Romain, le docteur Knock, tout bien portant est un malade qui s'ignore. Vous pensez que vous allez bien, mais non, en fait, vous couvez le mal, attention, hein. Donc, c'est toujours pareil, quoi. Et en plus, vous êtes un danger pour les autres, donc. Comment ça, vous n'avez pas de symptômes? Oh là là là là, c'est mauvais, très mauvais. On va en trouver, on va en trouver. La maladie incube, c'est grave. Ouais, mais n'empêche que c'est ce qui se produit, hein. C'est ce qui se produit. Alors bon, voilà, on a fait un petit tour d'horizon de cette situation, de la progression, donc de leur la progression difficile, hein, de leur campagne de vaccination qui ne se veut pas obligatoire, mais qui devient de plus en plus coercitif. Je pense que dans les jours qui viennent, déjà on sent, hein, le discours officiel au niveau gouvernemental change, évolue. Maintenant, on donne des chiffres, 26 millions, etc. Bon, je ne sais pas comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont arrêter les antivirusards? Vont-ils les arrêter pour les piquer? Je ne sais pas. C'est bien beau. Hein, est-ce qu'on va remplacer les LBD par des lanceurs de seringues? Bah écoute, je sais pas, parce que c'est bien beau de dire qu'on va piquer, voilà, mais si les gens veulent pas se faire piquer, on va... parce que ils ont un problème. Je vous ai dit que le contrôle des populations est au cœur du programme, vous le savez comme moi, donc il faut y parvenir. Mais comment vous faites si effectivement, je ne dis pas que c'est le cas, je ne sais pas ce qui va se produire, mais si effectivement la moitié de la population, ou plus de la moitié de la population, refuse, dit voilà, non, moi j'en veux pas de votre truc, je le prends pas. Vous pouvez pas faire ce que voulait faire Barbier, vous savez, l'inénarrable cravate rouge là, qui on voit sur tous les plateaux de télé. Enfin bon, là, lui c'est vraiment lui c'est aussi la voix de son maître, hein. Et qui dit voilà, on va mettre en place un passeport sanitaire. Et si vous refusez de vous faire piquer, vous aurez plus de vie sociale, comme on dit, comme on fait actuellement de manière ignoble aux anciens dans les EHPAD. Ça se passe. Les gens réalisent pas ce qui est en train de se passer. Ils sont en train donc de torturer psychologiquement les anciens pour qu'ils acceptent de devenir des cobayes. Mais après, ça a vocation à s'étendre. C'était l'objet du passeport sanitaire, hein. L'objet du passeport sanitaire, c'est de vous dire si vous refusez, vous n'aurez plus de vie sociale, quoi. Vous ne pourrez plus sortir. Bref. Mais ça, vous pouvez le faire, on va dire, avec une minorité. On va dire, voilà, 3-4 millions de personnes, on peut les intimider, les... Voilà, si vous avez, je sais pas, il y a 67 millions d'habitants en France, bon, en imaginant qu'on vaccine 60 millions de personnes, on peut peut-être intimider les 2-3 millions qui feraient vraiment de la résistance farouche, etc. S'il y en a plus de la moitié, vous pouvez pas les intimider. Et là, ça devient tout le problème. C'est pour ça que je pense qu'on va vers une phase d'aggravation de la posture de l'État, qui, à mon avis, va devenir beaucoup plus dur. Alors, je suis curieux de voir comment ils vont procéder. comment ils vont... Parce que piquer des vieux qui sont grosso modo pris en otage dans des EHPAD, c'est une chose. Hein. Piquer de force des gens qui ont 25 ou 30 ans, c'est pas tout à fait pareil. Déjà. Donc, la porte est ouverte, mais on va voir. Qui veut, avant qu'on se sépare, qui veut rajouter quelque chose, une observation de tête générale ou un point particulier qui n'a peut-être pas été abordé ou voilà, ou quelque chose que vous voudriez dire? Moi, je voudrais dire une chose, c'est que les réseaux sociaux ont un véritable poids. Je pense que les 60% de méfiants vis-à-vis de la vaccination, ça, c'est pas que les réseaux sociaux, c'est aussi les gens qui se renseignent, qui réfléchissent un peu, mais ça joue son rôle et ça a joué un rôle aussi, on peut dire un mot très rapidement, du professeur Fortillan qui avait parlé de son arrestation, de sa mise en hôpital psychiatrique. Il a été libéré et je pense que la mobilisation des réseaux sociaux a joué son rôle. Ah oui, lui, il aurait été mis au secret, il aurait tout à fait. Oui, oui, oui, oui. Si ça n'avait pas été su, ça a joué un rôle, tout à fait. Hein. Déjà, franchement, si les gens ne comprennent pas ce qui se passe, je veux dire, ils foutent en psychiatrie des mecs qui sont des voix discordantes. Enfin, on peut considérer Fortillan comme un original, mais sa place n'est pas dans un hôpital psychiatrique, il faut être sérieux, quoi. On voit bien ce qui est en train de se passer, quoi. Quand on connecte les points les uns avec les autres, c'est clair. C'est évident. Donc, voilà. Donc, quelqu'un d'autre sur tout ça? Un point en particulier ou pas? Non, pas spécialement? Très bien. Bon, bah, messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir participé. On va voir ce qui va se passer entre-temps, d'ici là. Ce que Macron nous réserve avec ses sbires. Mais ça promet d'être résolument agressif. À la semaine prochaine, chers amis. Et bonne année. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne année et à Mornagueuse.